Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Georges Duhamel disait « Chaque civilisation a les ordures qu'elle mérite. » Le présent, le futur, tout cela se brouille à présent dans le sang et les cendres de charbon. La confusion règne maintenant. Que va-t-il se passer? Plus question de raconter, nous allons avoir à le vivre sous peu. Une semaine est passée depuis votre difficile et même douloureuse fuite du Cadio Market et votre sauvetage par cette étrange communauté de survivants résidant au musée, forteresse accidentelle bien peuplée. Une semaine particulière. En effet, certains d'entre vous, si ce n'est tous, nourrissent des doutes sur les intentions de ces gens et de leur chef, Raznov, l'homme qui vous a initialement délogé. Toujours sur vos gardes, vous vous êtes donc plus ou moins intégré pour un certain temps, encore incertain de si vous alliez partir un jour ou rester. Vous avez été mis à profit, bien entendu, pour vos talents précieux, véritables ou fictifs. Mais voilà, le temps qui passe érode la tranquillité, et toujours aucun signe des disparus du pick-up, malgré toutes les promesses et toutes les assurances qu'ils étaient recherchés. Vous êtes en route, au sein du musée, pour retrouver Raznov, Patrick et AJ, les trois figures de la communauté. Il est temps de mettre les choses à plat, ou au moins certaines choses si vous voulez garder vos suspicions pour vous. Mais rester dans le flou n'est pas bon. La confiance est fragile et une civilisation tombe si vite. Bon. Ça va vous ? Bah écoute, ça va. J'ai repris du poids de la bête. Ouais, on a vu ça. Bon, il va bien falloir que tu te remettes assez vite. Parce que le temps, je sais pas si on va en avoir vraiment. J'en fais pas. MJ, quelle a été l'évolution du bébé ces dernières semaines? Est-ce qu'elle a de plus en plus de contractions? Est-ce que ça a l'air d'être assez stable? Je ne savais pas exactement depuis combien de temps est-ce qu'elle était enceinte. Eh bien, pour être honnête, du côté du bébé, il a eu en effet quelques contractions, quelques signes qu'on était plus proche que jamais d'un accouchement. Oui, donc on est clairement à la discussion où tout va se jouer et nous, il va falloir qu'on mette en place. Quel jour pouvait être le dernier? Ouais. Ouais. Donc je ne sais pas si vous voulez vous mettre d'accord sur un plan, sur ce dont vous voulez parler, vu que je vous rappelle donc que vous êtes en route pour aller voir les messieurs. D'ailleurs, des messieurs qui devraient... Alors, laissez-moi quelques temps. vous apparaître dans peu de temps, genre maintenant, dans une catégorie à part du groupe du musée. Alors, ce n'est pas l'intégralité du groupe du musée, bien entendu, parce qu'ils sont nombreux, ce sont les figures incontournables, on va dire. J'aime beaucoup le monsieur avec la moustache. Ok. Voilà. Pour vous remettre un peu les visages, si vous ne les avez pas, Raznov, c'est donc bien entendu celui qui vous a délogé du Cadillo Market, ou sauvé, en fonction de comment vous les considérez. Patrick, c'est le fameux monsieur l'amour, la moustache qui vous a donné vos nouvelles tâches dans cette communauté. Lucie est la fameuse femme enceinte. Nathalie, c'est la fameuse chef des cuisinières avec qui tu as parlé un peu plus longtemps, Ed. C'est ça, oui. Et AJ, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu, mais que vous n'avez pas vu la dernière session, mais qu'entre-temps vous avez pu rencontrer. C'est le chef des excursions, c'est celui qui va souvent dehors. Ok. D'accord. Bon. Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que si... Enfin, les derniers plans qui étaient à jour, c'était le fait qu'on se casse d'ici dès que Alexios allait mieux, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur ment sciemment là tout de suite et on s'active juste derrière ? Ou est-ce qu'on leur fait part de notre désir de pas forcément rester ? Ben, on leur ment, parce que si on leur fait part de notre désir, ils vont être violents avec nous. Je pense que malheureusement, leur faire part de notre désir, c'est prendre de gros risques, oui. Même si j'aime pas l'idée de mentir à des gens qui aiment. Potentiellement, sont honnêtes et nous tendent juste la main. Après, on est combien maintenant dans le groupe ? Enfin, du groupe... parce que comme on en avait quand même perdu quelques-uns en route, on sait pas si depuis le temps... Est-ce qu'ils ont été retrouvés ou pas du tout ? Il y en a encore 4 dans la nature. Ouais, comme je l'ai dit dans mon petit monologue, on vous a promis encore et encore qu'ils étaient recherchés, qu'ils faisaient des excursions pour les trouver, mais en une semaine, aucune nouvelle. C'est une des raisons qui vous pousse justement à être actuellement en train de marcher vers la pièce où les trois leaders du groupe du musée, Raznov, Patrick et AJ, se trouvent. Ouais, parce que après, si on doit mentir pour et se barrer en douce, il faut quand même savoir qu'on est un certain nombre et que faire partir comme ça, 9 personnes, si j'ai bien compris, c'est pas forcément très simple non plus, quoi. Parce que c'est pas comme s'ils étaient 200 personnes. Non, mais ils sont pas nombreux non plus, donc. Bah, ils sont quand même assez nombreux pour pas forcément faire gaffe à nous, on l'a déjà vu. Ils s'intéressent à nous quand nous on va vers eux et. Ouais. On peut jouer là-dessus. Ce qu'il faut juste être sûr, c'est qu'après qu'on a le bon trajet, le bon départ. Parce que si. Enfin, c'est-à-dire que si on part comme ça sans rien, ce qui serait un peu bête de notre part, on risque pas grand-chose, mais je pense que si on part avec quelques ressources. Je n'encourage évidemment pas cette solution, mais juste que si on part avec quelques ressources, il faudra être sûr qu'ils ne nous retrouvent pas très rapidement. Mmh. Ouais. Après, on peut se barrer dans le nord de l'État, voire quitter l'État pour éviter qu'ils nous... Oui, mais ils vont bien s'en apercevoir à un moment ou à un autre, tu vois. Genre, le problème, c'est pas tant la distance que le fait de réussir à atteindre la distance. Ouais. Puis après, c'est aussi de dire que si on part comme on est venu, c'est-à-dire avec quasiment que dalle, il va nous falloir aussi trouver des points, de trouver des ressources, de quoi nous de quoi survivre. Donc, on ne pourra pas partir super loin non plus, du moins dans un premier temps. Sinda, il faudra peut-être que je te parle en privé aussi, si ça ne dérange pas. 2 secondes. Décidément. Évidemment. Je précise que la coupure de parole était RP, hein, bien sûr. Il y a quelque chose qui me trottait dans la tête et il fallait que je t'en parle. Je veux dire, c'est bien beau cette histoire de partir, tout ça, mais au final, maintenant que t'es au courant de ce dont je t'ai parlé, qu'est-ce qu'on fait du bébé? Si jamais on part maintenant, alors qu'il y en a sans doute plus pour que quelques jours, voire peut-être quelques semaines au mieux, comment va se passer l'accouchement lorsque le seul médecin sur lequel il compte disparaît du jour au lendemain sans prévenir et sans laisser de traces? Tu penses pouvoir assumer le moment? Assumer de partir? Non, assumer l'accouchement. Parce que qu'est-ce qu'ils diront si le médecin sur lequel il comptait tue le bébé au mieux de l'aider En effet, comme ce que je te disais, mais finalement mes études de médecine ne s'élèvent qu'à un semestre, alors je suis loin de pouvoir gérer tout ça, mais j'imagine que ça lui laisserait toujours plus de chance que si jamais rien ne se passait tout court. Je sais pas, en fait, je sais surtout pas si je pourrais vivre avec ça sur la conscience, d'avoir abandonné une femme enceinte sur qui comptait sur moi. Je comprends. Honnêtement, j'ai pas d'avis. Pour moi, ni l'un ni l'autre était souhaitable, donc je te suivrai. Si tu décides de vouloir l'aider jusqu'au bout, je te soutiendrai auprès du groupe. Mais je vais y réfléchir. Donc, vous avez eu le temps de discuter un peu, je ne vais pas vous en laisser plus. C'est donc le moment où, dans votre marche, vous arrivez devant la fameuse pièce que Ed, si je me souviens bien, tu as visitée. Celle où il y a la seule pièce en fait qui n'a pas l'air d'être très civile du musée, celle où il y a les armes et quelques caisses et ce genre de choses. Vous arrivez donc dans cette pièce où se trouvent Raznov, Patrick et AJ en train de discuter. Ils se tournent tous les trois vers vous en vous voyant arriver. En effet, ils ont l'habitude de se réunir seulement tous les trois en conseil privé, en tant que dirigeants de la communauté, et ne sont pas très habitués à se faire interrompre durant ces réunions, mis à part en cas d'urgence. C'est d'ailleurs l'effet que vous avez recherché pour leur montrer la gravité de vos interrogations. Il se tourne donc vers vous et reste silencieux, comme attendant que vous preniez la parole. Vas-y, Cinda. Désolé de vous interrompre. Malheureusement, il faut qu'on vous parle. Tu vois que AJ et Patrick restent de marbre. Tandis que Raznov, du coup, prend un air un peu... Vous avez l'impression faussement choqué, mais c'est peut-être juste parce qu'il n'est pas très expressif habituellement, et du coup, toute expression sur son visage a l'air complètement fausse. Mais il dit simplement... un problème ? Pas encore, mais justement, c'est l'avenir qui nous fait un peu peur. Premier sujet dont on aimerait vous aborder, c'est l'arrivée du bébé. On en parle beaucoup au sein du groupe, étant donné qu'on est un peu chargé de la bonne santé, on va dire, de cette femme et de l'enfant. Et on s'inquiète un peu de savoir si nous avons ce qu'il faut en termes de matériel, de ressources humaines, parce que ça risque d'être assez épuisant et assez éprouvant. Alors, en termes de matériel, on a déjà montré au docteur Driver ce qu'on avait, plus ce que vous avez amené, il me semble, des kits de premiers soins. On a déjà quelques matériels, et en termes de personnes, nous sommes une vingtaine, vous êtes neuf. Oui, une vingtaine, mais combien de personnes seraient prêtes à nous aider? Vous comprenez, pour le matériel, c'est pas... disons qu'il est largement suffisant pour le reste des missions de Dr. Driver, et elle confirmera elle-même, mais la naissance, c'est quelque chose d'assez fragile. Elle s'y connaît mieux que moi, mais disons, pour en avoir pas mal parlé, parce que je serai sa principale assistante, on a peur de manquer un peu sur le moment, malgré déjà tout ce que nous avons, même si c'est déjà génial, vous comprenez ce que je veux dire. Mmh. Et pour les personnes, c'est les 20, mais je ne pense pas qu'on va pas réquisitionner 20 personnes. On aimerait savoir, pour vous, combien de personnes seraient prêtes à nous aider sur le moment et qui auraient assez d'agilité et assez de dextérité pour pouvoir être utiles et au bon moment. On a, très honnêtement, tout le monde peut se rendre disponible, ça dépendra simplement du moment où ça arrivera. Ok. Nous vivons en communauté, à présent on ne peut plus se permettre d'en avoir qui croisent les bras. Il se passe quoi si certains croisent les bras? Eh bien, ils n'ont pas leur part de nourriture, de confort, c'est tout. Ok. Ça me semble assez juste. Oui, oui, oui, je comprends parfaitement. Si nous avons quelques interrogations, vous comprenez, on arrive, on familiarise, on entend des choses et... Et on voulait juste être sûr que... Aussi, une fois passé, la qualité de vie que vous nous offrez sera toujours offerte. Écoutez, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne la plupart des gens dans notre communauté, vous êtes déjà parmi nous, et vous pourrez y rester pour toujours. C'est ensemble, de toute manière, qu'on peut reconstruire quelque chose. Effectivement. Mais c'était pour parler de ce genre de choses que... Enfin, on voulait aussi aborder nos amis que nous espérions retrouver un de ces jours. Alors, je sais pas où vous en êtes... par rapport à ça, mais nous sommes plutôt inquiets. À ces mots, Raznov prend une mine un peu sombre et tourne simplement le visage, enfin la tête vers AJ, le chef des excursions, qui, s'en rendant compte qu'on le regarde, du coup, se reconcentre sur la discussion et se racle un peu la gorge. pour ce qui est des excursions, on a fait notre mieux. On a cherché que ce soit sur les lieux où ils avaient disparu, que ce soit dans le reste des quartiers les plus proches. Et pour le moment, nous n'avons pas trouvé de signes ni de leur vie ni de leur mort. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, parce que je n'ai rien de plus à dire. Alors je me tourne. Vers Alexios et j'ai dit, écoutez, maintenant notre éclaireur Alexios, on va dire, c'est plutôt bien remis grâce à votre aide de ses blessures, et je pense que nous pourrions utiliser ses compétences pour nous aider à les retrouver. Disons que notre groupe, c'était la personne la plus apte, et je pense qu'elle pourra grandement nous aider dans cette tâche. Bien évidemment, oui. Je pourrais aider dans cette tâche, oui. Tu vois, c'est toujours AJ qui parle, hein. Il dit Et vous en seriez capable, je veux dire, ce avec quoi vous êtes rentré chez nous en termes de blessures, c'est pas rien, en une semaine, est-ce que vous êtes vraiment... Il se tourne vers oui, toi, Driver. Il se tourne vers toi, Driver, en ignorant complètement ce que Alexios dit. Et prend un air interrogatif. On est capable. C'est. Malheureusement, c'est tellement d'enjeux et la situation est si particulière. Enfin, je veux dire. Je crois que notre cher. Lucie m'a parlé d'un autre médecin qui était parmi vous. Est-ce que cela vous dit quelque chose, que vous auriez peut-être peut-être qu'il avait décidé de quitter la communauté pour une raison ou pour une autre Peut-être est-ce qu'il serait possible peut-être d'aller le retrouver, quelqu'un de plus expérimenté qui pourrait nous aider grandement. Après il me semble que c'est ce qu'il me semble avoir compris, peut-être que je me méprends. Je vais vous demander à tous, ça va pas influer sur la réponse qu'il va donner, mais je vais vous demander à tous un jet de... Alors, ce serait de... Volonté. Ce à quoi donc Edge, en prenant un air un peu toujours aussi interrogatif, dit un médecin. Tu vois que Razneov, lui, garde son air sombre. Et Patrick fait un petit ricanement. Un petit... Ah ! Elle vous a raconté l'histoire de son fameux Doc Fantôme ? Son quoi ? Oh, un docteur qu'elle s'est imaginé. Ou peut-être un souvenir qu'elle a, quelque chose. Non, on n'a jamais eu de docteur, du début jusqu'à que vous soyez là. Alors que ça aurait pu être son docteur avant tout ça, ça aurait pu être un docteur avec qui elle aurait traîné avant qu'on la trouve. Mais on n'a jamais eu ça. Mmh. Bien sûr. Du coup, vous pouvez être plus ou moins sur la même longueur d'onde en vous disant que, de ce qu'ils vous disent, ils n'ont pas l'air de mentir. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous pouvez imaginer qu'ils mentent, qui sont très bons à ça, ou qu'ils ont bien créé leur histoire, ou quoi que ce soit. Mais dans leur façon de le dire, dans leurs expressions faciales, vous avez l'impression quand même qu'ils sont pas mal sincères. Mmh. Disons la pauvre, elle a dû quand même en baver pour imaginer tout ça. J'imagine que elle a dû s'inventer ça pour résister à ce qui arrive. On n'a pas de psychologue ici, mais c'est peut-être juste des brides, ou peut-être qu'en effet, elle s'est inventée une vie. On n'en sait trop rien, honnêtement. Mmh. Vous pensez qu'on peut peut-être organiser une exploration, quelque chose comme ça, pour récupérer du matériel médical ? Je connais pas vraiment le coin. Enfin, peut-être non. Enfin, l'hôpital n'est plus, donc si mes souvenirs sont bons. Oui. Vous voyez que AJ, du coup, qui prend la parole, vu que c'est le chef des excursions, vous pensez qu'il vous faut plus de matériel ? Il me semblait qu'on avait plus assez. Disons qu'avoir peut-être quelques... Enfin, Driver s'y connaît toujours mieux que moi, mais quelques outils... bien stérilisé et plus ça, quelques outils supplémentaires pourraient toujours être utiles. Je sais pas ce que t'en penses, Driver. C'est peut-être moi qui m'imagine des choses que j'angoisse, mais non, bien sûr. Et puis nous savons que parmi les groupes de survivants avec qui nous étions, il y avait par exemple Misha. Qui était une infirmière et si jamais elle a survécu à tout ça, peut-être pourrait-elle nous aider. En tout cas, c'est sûr que... Ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, je peux être là pour vous aider, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est difficile à mon âge d'assumer l'entière responsabilité de potentiellement jusqu'à deux vies présentes dans votre colonie. pour ça que moi je voulais un peu de sécurité, trouver quelques matériels et pourquoi pas des survivants, mais ça on sait que ça commence à devenir compliqué, mais trouver de quoi s'assurer que si les choses dérapent, on puisse limiter les dégâts, quoi. Edgy continue à répondre, et plutôt que de vous répondre directement, il se tourne vers toi, Alexios. Avec un air un peu... Enfin, il te scrute, mais tu sens pas que c'est un scrutement où il te jugerait mal ou quoi que ce soit. En tout cas, il t'observe assez finement, et il te demande... Avec votre groupe d'excursion à vous, vous avez fouillé... assez largement autour de votre zone ou... J'étais le seul avant que les filles soient... Non, pas assez. Mm-hmm. Vous pensez qu'il reste des choses dans la zone où vous étiez? Je pense pas. Mm. Puis la zone la plus proche, enfin la plus éloignée qu'on a explorée de chez nous... Elle a explosé quelques secondes après. Donc, oui. Disons que du coup, ce qu'on connaît, et encore on n'a pas pu connaître grand chose, de notre côté c'est un peu mort. C'est pour ça que je voulais demander à vous si vous saviez si c'était faisable ou pas. Bien, on a dû vider un bon quart de la ville pour être honnête, et on a pas mal exploré. Un autre quart. S'il y a des choses à récupérer, il va falloir s'éloigner. Beaucoup s'éloigner de notre zone de sûreté. Mais... Oui. Oui. En fait, pour être totalement honnête, je pense que... Et c'est une discussion qu'on avait eue déjà avec le groupe avant que vous arriviez et avant que tout ça se passe, mais... Nous commencions déjà un petit peu, malgré le fait que nous n'ayons pas visité une grande partie de la ville, à anticiper et imaginer qu'à un moment ou à un autre, il nous faudrait partir et quitter cette ville pour avoir une chance. Parce qu'une fois qu'on aura tout vidé, et si on y arrive, ben, on n'aura plus rien ici. Et que peut-être sera-t-il temps pour nous de, eh bien, ensemble, eh bien, de trouver ailleurs un autre endroit. Peut-être même faire de l'agriculture ou s'éloigner de la ville. Avec tous les dangers que cela comporte. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous y avez peut-être pensé, j'imagine. C'est des choses que nous, on doit tous anticiper à un moment ou à un autre. Je vois que vous voyez que les trois se regardent entre eux et Raznov reprend la parole. Il dit « Pour être tout à fait honnête avec vous, nous étions dans l'idée contraire. » Ok. Même, pour vous en dire plus, c'est la raison derrière votre malheureux accident à l'hôpital. Maintenant, le temps est passé, je pense que nous pouvons vous en dire un peu plus, au moins, mais... Nous avions pour projet de dératiser au moins une partie de la ville. Ouais. Et vous êtes tombé, malheureusement, au mauvais endroit, au mauvais moment. Comment... Enfin, je respecte votre décision. C'est pas nous qui avons commencé à contester ça, mais... Sur le long terme, comment vous comptez réussir à tenir lorsque les vivres ne seront plus consommables? N'importe quel toit plat peut faire office de champ. Et au contrario de la campagne, nous avons toujours cette forteresse. Et vous trouvez ça où, l'engrais? N'importe où. Vous croyez que les gens ils se sont jetés sur le rayon engrais de votre bréco d'épaule plus proche? Pendant que l'apocalypse avait lieu. Bah, peut-être pour faire des bombes. Non, je sais pas, moi je pose des questions. De toute manière... Non. C'est vrai, et nous en avons utilisé, mais nous en avons suffisamment. Ça se tient. Mm-hmm. C'est plutôt rassurant. En fait, c'était pas une question piège, hein. C'est juste que nous, dans notre groupe, ça nous était pas venu à l'esprit, donc... Enfin, c'était pour le long terme qu'on voulait partir. On se posait des questions. Mm-hmm. Eh bien... Tu vois qu'ils se regardent un peu un moment, et Raznov, après un petit moment à humer, sans trop savoir quoi dire, rajoute « Eh bien, si vous voulez partir, vous pourrez toujours partir, bien entendu, mais je ne vous le conseille pas. Pour votre bien, tout simplement. » Désolé de vous avoir dérangé, mais nous avions quelques suspicions, quelques inquiétudes, quelques... Mm-hmm. Vous pouvez nous tenir rapidement au courant vis-à-vis de la possibilité ou non de peut-être faire une expédition peut-être un peu dangereuse, peut-être un peu éloignée pour trouver du matériel d'ici là, sachant que si ça doit arriver, c'est assez tôt, donc on vous laisse y réfléchir. Je comprends si c'est compliqué, mais encore une fois, Dr. Driver est... Et ce qu'on a actuellement risque, malheureusement, peut-être de pas suffire. On veut que vous en soyez conscient. On fera notre mieux, évidemment, mais... Évidemment. On sait très bien que ce que vous nous demandez, c'est tout simplement parfaitement nécessaire. Bien, merci beaucoup. Ce à quoi AJ, qui regarde le sol pendant que Raznov raconte tout ça, dit... Mais ce serait plus simple si certains arrêtaient de voler dans nos réserves. Comment ça ? Qui donc ? Vous voyez que les deux autres qui sont avec AJ prennent un air un peu contrarié, comme s'ils voulaient pas spécialement en parler. C'est les Place, j'en suis sûr. Oui, non mais on est tous d'accord. Du coup, Patrick, lui, reprend la parole en se remettant la moustache en place et vous dit simplement « Bon, on voulait pas trop en parler parce qu'il faut pas que la rumeur se répande. Le chaos, la panique, ça se répand très vite. Je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience. On a des problèmes depuis plus ou moins que vous êtes arrivé, mais on fait pas de conclusion hâtive, vous inquiétez pas. Mais plus ou moins aux alentours de cette date-là, donc il y a une semaine, nos vivres commencent à disparaître, que ce soit en termes de médecine, de petits médicaments, quoi que ce soit, ou de nourriture. Un peu de tout, même certains outils. Sachez qu'on a eu le même problème dans notre groupe. On va aller parler aux gens qui nous accompagnent. Il y a peut-être quelques plus filous dans le groupe et on s'excuse d'avance pour leur acte. On va aller voir s'il s'agit bien d'eux. Négocier une chose avec vous, vous me dites si vous êtes d'accord. Est-ce que si à partir du moment où on arrive à avoir cette discussion avec les personnes qu'on pourrait éventuellement avoir en tête, et qu'après ça, les vols disparaîtraient, on pourrait en rester là. Et on part du principe que si ça continue, on vous donne les noms des personnes qu'on soupçonne, potentiellement. Ils se regardent entre eux, avec un air un peu interrogatif, puis ils vous regardent à vous, vous scrutant les uns après les autres, en regard croisé les uns les autres, et Raznov simplement prend la décision finale, en vous disant « Eh bien, je pense que la situation dans laquelle nous vivons maintenant depuis 2 mois, depuis que la société s'est effondrée, peut rendre certaines personnes un peu anxieuses, folles. Ils font des choses qu'ils n'auraient pas fait normalement. Alors nous sommes prêts à oublier l'affaire s'il s'avère qu'en effet c'est certains d'entre vous qui le font et que ça n'a plus lieu. Mais vous voyez que AJ rajoute un mais, sachez juste que on a nos propres gars sur l'affaire. Ok. On peut pas faire confiance 100%, c'est votre groupe. De toute façon, si on arrive à faire que nos sujets, que on arrive à faire en sorte que ça s'arrête, il n'y a pas de raison que ça dégénère. Ouais, il n'y a pas de raison. Bon. On va aller s'en occuper immédiatement. Ouais. Et du coup, vous quittez la pièce. Rapidement rattrapé d'ailleurs par Patrick, donc l'homme à la moustache, qui vous dit attendez. Entre nous les gars qu'ils ont mis sur l'affaire sont pas parmi ceux qui veulent vous garder ici. Il y en a pas beaucoup parmi nous, mais il y en a certains qui considèrent que 9 bouches c'est un peu trop d'un coup et que vous allez apporter la ruine. Je leur fais confiance, c'est des bons gars, mais d'un autre côté, je leur fais pas tant confiance que ça, et ils pourraient très bien tous vous accuser rapidement. C'est de la jouer Métropolis, ce genre de choses. Bon, vous pouvez continuer. Et bonne chance. Merci. Et ils retournent rejoindre ses camarades. Ok, nous là tous ensemble, là, ceux qui sont là, est-ce qu'on peut se faire une réunion d'urgence, histoire qu'on discute un peu avant d'aller... Un colloque. Ouais, et on... petite réunion d'urgence, mais genre on s'isole, on fait en sorte qu'il n'y a pas d'oreilles qui traînent, et il faut qu'on parle de quelque chose... Ouais, moi ça me dérange pas. Ok. Donc... Vous faites donc en sorte de vous retrouver dans un petit coin tranquille avec seulement vous, si j'ai bien compris, tous les survivants de votre groupe initial. Nous, là, le groupe Réunion Conseil d'Urgence de Guerre. Ok, juste vous, donc, présent. Exactement. Très bien. C'est le cœur vivant, ceux qui s'étaient déjà un peu réunis avant le reste. Ouais. Ok, on va pas passer par quatre chemins. Bon, les suspicions des plays sont quand même assez énormes, parce que j'en ai déjà chopé un qui faisait ça la dernière fois, et je lui avais pourtant dit que la confiance faisait avec eux, mais je peux leur en vouloir qu'à moitié, étant donné que jusqu'à présent, on partait plutôt du principe qu'on devait partir. Par contre, avec ce qui s'est passé dans cette conversation, j'avoue avoir des doutes, du moins... peut-être avoir trouvé un moyen de temporiser un peu plus, que ce soit pas si urgent que ça. Déjà parce que, comme on a parlé Driver, si on part avant la naissance du bébé, on met peut-être en vie cette femme et son bébé, et que si on peut au moins faire ça pour eux, pourquoi pas. On n'était pas encore sûr, hein, ce que je parle, possible qu'on change d'avis, mais dans les dernières discussions, c'était quelque chose qui était revenu, une petite crainte de notre côté. Je sais pas si Driver, ton point de vue là-dessus a changé avec la discussion qu'on vient d'avoir avec eux, mais... J'en ai plus rien à foutre, moi. Bien sûr, oui, c'est compliqué pour moi d'imaginer partir. Le bébé devrait être là pour bientôt... Maintenant, le problème, c'est que si jamais ils sont vraiment dangereux et que le bébé vient au monde, alors peut-être qu'ils n'auront plus besoin de nous. Oui, c'était ce qu'on craignait, mais le risque on peut essayer d'agir rapidement. Peut-être qu'on peut au moins... À vrai dire, je sais pas s'ils sont vraiment dangereux. Enfin, mis à part quelques personnes qui nous parlent mal s'il est là, parce qu'elles considèrent qu'on est venu peut-être un peu trop nombreux, mais... Justement, moi, je préconise qu'il faille rester quelques jours de plus et déjà enquêter sur cette histoire de docteur et essayer simplement de voir si... On se rejoint. Et les gens de la communauté ont l'air de corroborer ou est-ce que c'est un mensonge qui a été inventé sur le coup. Ah, oui, après... Même vérifier en général. Regardez vraiment quelles sont les attentions, regardez ce qu'il en est, voir... Enfin, c'est normal qu'on fasse pas confiance immédiatement, je veux dire, ils sont 20, on est 9, s'ils décident de se retourner contre nous, notre instinct de survie hurle de partir, mais d'un autre côté, j'ai vécu avec des groupes qui étaient dangereux et l'ambiance n'était pas la même. Hein. Je comprends les suspicions, mais Je pense que Driver voit de quoi je veux parler. On est pour l'instant quand même dans des conditions plutôt agréables. Après, j'ai envie de dire, si vraiment ils étaient les personnes qu'on n'espère pas, qu'on redoute effectivement, pourquoi ils se prendraient la tête pour une femme enceinte ? Ah, je veux dire, s'ils mettraient tout en œuvre pour une femme enceinte et nous dégager derrière, alors que pour eux, on a vraiment un médecin avec nous et les bras et des gens capables de vraiment apporter un plus à la communauté. Pourquoi ils s'embêteraient à nous foutre dehors dès qu'une femme enceinte accouche ? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Surtout que selon ce qu'on s'imagine, ils veulent des gens qui soient efficaces, qui apportent une plus-value à la communauté. Alors une femme enceinte, en ce moment, je pense que c'est tout sauf ça, quoi. Puisqu'il va falloir s'occuper, elle va s'occuper de son bébé, elle va pouvoir rien faire d'autre. Il marque un point. Voilà, quoi. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Je rejoins Ed, mais le problème, c'est que généralement, les plus dangereux, c'est pas ceux qui montent qui sont dangereux, c'est ceux qui cachent certaines choses. Non. J'ai vécu dans ceux qui montraient qu'ils étaient dangereux, et crois-moi, j'ai vu des choses que j'aurais préféré ne pas voir. Des fois, il y a les gens qui sont pires. On les connaît pas. On doit garder quand même un œil sur eux. Oui, mais c'est le but, c'est que on prolonge quelques jours avant cette naissance, on fasse nos enquêtes pour savoir leur véritable attention, qu'ils ne nous cachent rien et que... Et il faut pas qu'ils tombent sur ma carte. Sinon, ils vont voir qu'on leur a menti. La carte, tu la gardes, de toute façon. Garde-la toujours sur toi. Elle est au fond de mon sac, mais... faut l'avoir sur moi. Après, tant qu'on fait ce qu'on a à faire, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème, je veux dire, on a tous envie de participer et de faire en sorte que la communauté prospère et qu'on ait tous ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. Enfin, jusqu'à présent, ils ont été honnêtes avec nous, ils ont été justes, on a fait ce qu'on avait à faire et on a pu manger et se reposer convenablement sans avoir de tension particulière. Après, pour l'instant, les seules personnes qui ne sont pas fiables, ce sont les nôtres. Oui, oui. Après, comme je disais, on peut pas leur en vouloir. Pendant une semaine, on s'est mis en tête qu'on allait partir dès que Alexios allait mieux. Donc, c'est sûr. Il prépare de quoi partir, même si. Mais il faut. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle d'abord entre nous, pour voir si on partage au reste du groupe une envie de. Tenter quelques jours de plus d'enquêter vraiment sur leur motivation et moins partir sur une suspicion un peu paranoïaque. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais, enfin, c'est... Il y a beaucoup de choses qui montrent tout et son contraire, et comme on n'est pas dans une situation stable, et on s'en interprète, mais je pense qu'il faut essayer de... éviter peut-être de se mettre des gens à dos s'ils peuvent vraiment nous vouloir du bien. Mmh. Ouais. De toute façon, je pense que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on n'est pas en capacité, en possibilité de partir. Autant s'assurer s'il faut prévoir quelque chose de rapide pour partir, ou voir... En tout cas, est-ce que pour les Fair Play, est-ce que... soyons clairs, ce sont eux. Jusqu'à preuve du contraire, qui sait, peut-être que finalement ce sont de très bons gens, mais on a connu déjà leur méthode avant. Oui, mais peut-être qu'ils l'ont fait avec nous, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas fait avec eux parce que on leur a dit qu'on partait dans une semaine. Peut-être que c'est les membres de leur groupe, vu que nous, ils nous l'ont dit, que certains groupes ne nous aiment pas parmi eux, et que peut-être qu'eux volent des choses. Je suis d'accord. Pour l'instant. N'empêche, la chose la plus probable, c'est quand même que ce soit eux. Enfin, on sait qu'ils l'ont déjà fait. On va aller leur confronter, on va leur demander. Moi, ce que je voulais savoir avec vous, c'est est-ce qu'on leur dit juste d'arrêter le temps qu'on surveille et ils gardent ce qu'ils ont ? Ou est-ce qu'on fait l'inverse et on leur dit de jouer... On joue la carte de la bienveillance en espérant qu'ils nous la rendent et on rend ce qui a été volé. Je pense qu'il faudrait garder quand même une partie. Je pense pas, honnêtement, Ils sauront exactement. J'imagine qu'ils doivent vachement tenir compte, tenir à jour des registres. Et si on leur rend pas tout, ça risque. Donc les gens qui surveillent, enfin qui du coup enquêtent sur sa disparition, sont des gens qui nous aiment pas. Donc ils pourraient très bien venir reprocher publiquement le fait qu'on n'ait pas tout rendu. Je sais vraiment pas s'il faut jouer la bienveillance ou pas, surtout qu'on sait pas réellement les intentions de ce groupe, mais avec ce qu'on vient de discuter, j'ai quand même peur que finalement ce soit nous qui nous créons nos propres problèmes ici. J'en ai bien peur aussi. Il faut quand même remettre dans le contexte que quoi qu'il se passe, si on est en bonne santé et si toi tu es encore en vie, Alexios, c'est aussi grâce à eux. Oui, mais c'est grâce surtout aux filles qui m'ont permis, et aussi à Misha. Oui, mais je pense que si on n'avait pas eu un toit et de quoi te soigner convenablement, c'est pas avec ce qu'on avait en partant du Cadio que t'aurais pu survivre. Mais j'ai pas trop confiance en leur groupe qui nous a. C'est sûr, mais. Évidemment, mais. Pour l'instant. Est-ce que ça vaut pas mieux finalement d'essayer de se faire aimer par eux si jamais on s'avère que le reste du groupe est bienveillant? Moi je conclue sur cette phrase. J'ai peur qu'on se crée nos propres ennemis ici au mieux de rendre les choses vivables. Donc, je prends les choix que vous voulez, mais je veux juste pas qu'on regrette de fuir encore des groupes alors qu'ils pourraient nous apporter des choses bien. Je suis d'accord avec toi. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'on va voir les Fair Place déjà? On va essayer d'en parler avec eux. Je prends ça pour un oui. Donc. Bien sûr, bien sûr. Vous vous dirigez donc vers le dernier lieu connu des Fresh Place, c'est-à-dire tout simplement une petite pièce dans laquelle on vous a vous mis de côté avec des petits lits. Bon, c'est pas des vrais lits, hein, mais c'est vraiment des habits entassés ou des matelas pour ceux qui ont été les plus chanceux parmi vous, qui ont été tirés à la loterie. Mais voilà, vous avez votre petite pièce à vous où dormir entre vous. Et ils y passent un peu leur temps quand ils n'aident pas, par exemple, aux cuisines ou quoi que ce soit. Par exemple, ils ont déjà aidé pour une micro-excursion qui n'allait pas très loin, juste histoire de faire une ronde autour du musée. Aide aussi, par exemple, tu as pu y participer à ce genre de choses. Alexios un peu moins, vu que tu étais encore en rétablissement. C'est encore assez neuf que tu puisses maintenant marcher et être bien. Cinda, j'imagine que tu n'as pas spécialement participé à sortir des lieux pour rester avec Driver, peut-être? Ma réponse était positive, du coup. Parce okay, qu'on voit mieux. Donc voilà. Et vous les retrouvez donc dans votre petite chambre commune. Vous les voyez tous les deux, qui sont tous les deux assis sur le même matelas et en train de jouer, a priori, à un jeu de cartes. Bon, comment ça va? Archibald répond. Il dit « Ah, ça fait un moment qu'on vous avait pas vu. Vous avez eu votre fameuse petite réunion sur les disparus ?» Ouais, on en a discuté un petit peu. On va dire que c'est comme d'hab, quoi. Ils ont cherché, mais ils ont rien trouvé. Ah, et qu'ils disent. Par contre, on nous a fait part de une information qui peut être plutôt intéressante et plutôt inquiétante à la fois. Ils se sont plaints de perdre que quelqu'un se sert dans les réserves, en gros. Vous seriez pas au courant de quelque chose? On vous soupçonne pas, vous en faites pas. C'est juste qu'on vous pose la question. Moi, honnêtement, j'ai vu personne, et de toute manière, mis à part Bob, ils laissent personne trop s'approcher de leur stock, vu que Bob est cuisinier, il a le droit, mais sinon, non, ça n'en est pas trop approché. Hein. Ce à quoi, d'ailleurs, Melrose acquiesce. Mmh. Ouais, parce que faudrait vraiment pas que ce soit l'un de nous, parce que j'ai bien peur que ça, il soit mis en tête de nous surveiller. Attends, excuse-moi, Ed. Tu dis quoi, Alexius? On peut fouiller vos sacs à vous deux. On fouillera le sac de tout le monde. Hein. Ils soupçonnent nous, on est les premiers arrivés, donc. Et vous pouvez vider vos sacs à vous avant? Moi, je le vide devant eux. Ouais, moi aussi, hein. Pas de souci. Je m'exécute. Par contre, je récupère la carte. Moi, je m'exécute pendant que je pose une question au MJ. C'est une action très complexe qui consiste à avoir deux actions simultanées entre deux réalités différentes. Pendant que voilà, Cinda vide son sac, j'ai fait l'erreur la dernière fois de ne pas écrire les gens qui étaient pour ou contre nous, parce que je crois que tu n'avais pas forcément détaillé. Et je voulais savoir si visuellement, parce que je commence, du coup je suppose, à connaître des têtes quand même, si Bob faisait partie des quelques personnes qui ne voulaient pas qu'on reste. Bob. Je peux faire un jet de mémoire si tu veux. Comme tu veux. Ouais, Bob, c'est pas le. C'est le vieux. Jetons un petit jet. C'est le petit jet de votre groupe. Alors c'est un jet de. Attends. Je pense. Ah oui, ce Bob là. Non, mais Bob, il est forcément avec nous. Ok. Oui, il n'y a pas d'autre Bob. Ouais, non, autant pour. Je pensais que c'était un des. Ok. Oui, bah du coup, il a dû lever la main, parce que ça serait très bizarre qu'il fasse. Oh bah. Je veux partir Il était pour rester là, de toute manière, parce qu'il voulait retrouver son fameux. Alors, ma question va être du coup différente pour mon jet D. Du coup, j'ai fait 29, je sais pas c'est quel jet. Mais parmi le groupe du musée, je sais que notamment Ed a parlé avec les cuisinières. Donc on connaît un peu leur tête, et je voulais savoir si les cuisinières, du coup, elles, avaient plutôt été positives à notre arrivée ou pas. Genre, si elles ont levé la main ou pas pour qu'on reste. J'ai fait 29. Et ouais. Je vais te demander ce que tu as en... on va dire en astuce, hein, parce que c'est pas vraiment de la connaissance, c'est juste l'esprit vif, l'esprit de la mémoire. Eh bien, moyen. Ok. Eh bien, je peux te redire même en intégralité un peu ce qu'il y avait eu comme vote, hein. Mais c'est que les cuisinières en intégralité étaient très accueillantes et elles ont voté pour que vous restiez. Vraiment, là, dans les têtes que j'ai rajoutées à votre liste, il n'y avait que Lucie elle-même qui avait l'air d'avoir hésité et qui avait finalement pas voté pour vous. Les autres avaient voté pour... À l'exception d'AJ qui n'était pas présent au moment des votes. Il était, vous avez pu l'apprendre plus tard, ouais. Mais il était en excursion à ce moment-là. Voilà. Ok, merci beaucoup pour les infos. Et du coup, Cynthia vient de finir de vider son sac. Voilà. Donc, okay. Ils ont tous les contenus devant eux. Elle vous a. Bon, vous aviez pas besoin de faire ça, mais on vous croit que c'est pas vous, bien entendu. Non, mais... C'est écoutez, pour éviter va, de... Oui, on va l'éviter. Vous voyez qu'ils ouvrent leur sac, ils les retournent, ils les vident. Et mis à part des habits et les affaires que vous savez être ceux de votre groupe, il n'y a rien de plus. Melrose, lui, donc, qui rajoute... Mais, bien entendu, on sait que c'est parce que vous pensez à nous en premier. Ah, en même temps, il y a peut-être des raisons derrière. Il se tourne vers toi et dit « Oui, comme par exemple le fait qu'on ait décidé qu'on devait partir très rapidement et que vous avez fait durer ça une semaine. » Non. Moi, je parle de la fois où... quelle petite question MJ, je ne sais plus c'est lequel des frères Place qui a volé les médicaments la dernière fois. J'ai marqué Place comme une conne, mais ils sont tous les deux des Place. Ok, c'est Melrose qui avait volé. Ok. non, par exemple, je parle du fait que un certain Melrose parmi nous, la dernière fois qu'il y a eu un désaccord comme ça, c'était volontairement bien servi des médicaments alors qu'on était en train de les ranger après notre expédition. Je lui jette un regard noir quand t'as dit ça. Enfin, lui, hein, pas... du coup, il se lève, laissant les cartes sur le matelas. Et il se rapproche pas tôt, quoi que ce soit, mais vous comprenez bien que le fait qu'il se lève, c'est pour indiquer que s'il faut, il est prêt. Je me mets devant les filles. Non, non, mais t'en fais pas, je sais me défendre, Alexio, c'est gentil. Et puis je veux pas en venir aux mains, je dis juste... Peut-être que c'est arrivé à un moment où vous étiez tous en train de sucer allègrement des dictateurs en puissance qui voulaient, d'une manière ou d'une autre, nous garder prisonniers. Qu'importe, je dis juste pourquoi nous, du coup, on a ces suspicions-là. C'est arrivé, ça serait pas déconnant que ça recommence, surtout qu'on a prévu de partir assez rapidement, donc vous aurez pu mettre des provisions de côté pour que quand on parte, on a des choses. C'est pas le problème. Quoi qu'il en soit, on pouvait pas partir avant. Et la raison, vous le savez, elle est avec nous, c'est Alexios. Dans l'état où il était, je pense qu'on allait nulle part. Donc il fallait, on était obligés de rester au moins le temps qu'il se remette d'aplomb. Pour au moins partir dans des conditions acceptables. Après, vous savez, il y avait, enfin, si vraiment vous ne tenez pas en place et que vous voulez vous barrer, allez-y. Hein. Vous voyez que Archibald reprend, lui, donc le plus âgé des deux, et celui-là qui est le moins énervé, et il dit « Non, mais on partira pas sans vous. » On considère que ce qui s'est passé, c'est de l'histoire et que les divisions qu'il y a eu n'ont plus lieu d'être. Je suis d'accord. Moi, c'est juste vous prenez la mouche, alors que. Ouais, c'est juste savoir si c'était vous, et encore une fois, avec des raisons compréhensibles. Je suis d'accord. La suspicion, le manque de confiance, c'est des trucs de bourgeois. C'est au-dessus de nous. Il faut se faire confiance entre nous. Et. Il dit ça en direction aussi de Melrose, il dit « On va tous se calmer et on va rediscuter clairement des choses, nous n'avons rien volé. » L'idée nous est venue en tête. On devait partir de toute manière. Oui, tout à fait. On l'aurait pas fait sans vous en avoir parlé. Ok, donc... Une supposition à faire. Si jamais c'est bel et bien pas vous et je vais part du principe de mon côté que je vous crois, ça pourrait très bien être un de nos détracteurs officiels. C'est ce que je pensais. On vole dans les affaires pied de poil après notre arrivée pour tenter de nous faire porter le chapeau. Ouais. Et donc là, il va falloir se méfier très clairement. Parce que oui, moi, je me rappelle quand j'étais avec Melrose et... comment il s'appelle déjà l'autre ? Archibald, qui me surveillait. On les voyait bouger, les deux gardes. Ils arrêtaient pas de courir à droite à gauche et tout ça. Je sais pas s'ils s'en souviennent, mais... Moi, j'étais pas très tranquille. Je me souviens. Soit quoi, Melrose, d'ailleurs, du coup, qui est toujours debout, mais qui a un peu perdu sa posture de combat, dit « Oui, oui, ils étaient clairement pas parmi ceux qui voulaient nous garder. » Et ça a pas manqué, pendant cette semaine, les petits regards qui se sont échangés, où il y avait clairement pas que des sentiments de coopération et d'amour. Si je peux donner un conseil, laissez... Personne approchez vos affaires, surveillez les matelas et trucs comme ça, genre même videz vos sacs pour vérifier qu'on glisse rien dedans, parce que si la théorie que c'est un des détracteurs qui vole pour nous accuser, sachant que ce sont les détracteurs en question qui enquêtent pour savoir si c'est nous, ça c'est un petit secret qu'on nous a révélé, disons que la probabilité qu'il nous cache quelque chose pour nous accuser, nous, vous savez, comme de gentils flics qui sont capables de faire tomber des sachets alors que personne ne les avait, eh bien, disons que ça serait facile de nous accuser, donc faisons attention que ça se retourne pas contre nous, quoi qu'il arrive. Je pars du principe que c'est pas vous, vous nous avez dit la vérité, mais dans ce cas, faites pas en sorte qu'on vous accuse très facilement. Il faut qu'on montre patte blanche, en fait. Il faut montrer qu'on est pas du tout des gens à être accusés. Totalement. Et il faut que faire attention de ne pas être piégé, surtout. Parce que... Dans ce cas-là, pour que ça marche, il faudrait peut-être mettre dans la confidence l'un d'entre eux. Que ce soit Raznov ou... Parce que Raznov fait partie quand même des gens qui ont voulu qu'on reste. Il faut trouver quelqu'un de confiance dans ce groupe. On se dit que c'est vraiment la personne sur qui on peut compter. Bah moi, je partirais sur Lucie, vu qu'elle n'est pas consciente, d'après ce que vous m'avez dit. Lucie n'a pas voulu qu'on reste. Oui, après, elle est influencée, mais c'est vrai que... elle est, je pense, trop occupée par son état de santé pour être une alliée de pouvoir. Non, mais je pense qu'elle a peur. Hein. Pour être de confiance, en soi, c'est lui qui nous a proposé de venir. C'est Raznov, je pense que c'est à Raznov qu'il faut en parler. Venir, si c'est pour vous. Ensuite souhaiter nous chasser par n'importe quel moyen. Je pense que s'il y a une personne à qui il faut en parler, c'est à lui. Ok. Après, on peut tout à fait dire que nous avons fait notre petite enquête de notre côté, mais que nous avons quelques inquiétudes sur le fait que certains de la communauté ne nous veuillent pas parmi eux et cherchent à nous discréditer, tout simplement. Tout à fait, non mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, il faut qu'on la joue comme ça, avec des pincettes, tout en étant honnête. Bien sûr. Et... c'est ce qu'il faut, c'est... Est-ce que c'est... Ou alors, dit Melrose, ou alors on se barre dès maintenant et on n'aura aucun problème. Ouais, justement, il fallait qu'on parle de ça. Il y a eu une discussion, et notamment entre deux personnes ici, moi et Driver, et si on est partante pour partir très rapidement, du moins jusqu'à présent, parce qu'on commence à se poser des questions, mais en tout cas partir très rapidement. Il y a un problème de morale de laisser une femme enceinte sans l'aider. On commence à être trop impliqué, malheureusement. Je sais pas vous, mais je pense que on est dans un état où la société c'est devenu n'importe quoi, où les gens soit en profitent pour montrer que ce sont des connards, soit pour essayer de rester soudés. Jusqu'à présent, nous, on essaie de rester soudés. Et en fait, laisser une femme mourir dans un accouchement parce que personne peut l'aider, bah, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir pour les survivants. On peut plus penser à l'humanité sous entière. On doit penser en termes de groupe. Même en dehors de l'humanité, enfin, c'est aussi nous, c'est aussi qui tu es. Enfin, je... C'est... Je suis désolé, mais tu laisses quelqu'un mourir comme ça, tranquillement, sur ta conscience, sans que celle-ci soit particulièrement néfaste pour toi. Je veux dire, qu'on tue des personnes qui nous manipulent. Elle va mourir. Bah, bien sûr, mais je veux dire, tu la laisses avec personne pour s'occuper d'elle. Tu veux qu'il arrive quoi ? Il va arriver ce qu'ils avaient prévu d'arriver avant qu'on arrive. Bah, ils avaient pas l'air très optimistes avant qu'on arrive. Oui, mais je te rappelle quand même... Enfin, petite question à OMJ. Ils nous ont bien dit que le mec qui nous a confié le secret, 9 bouches à nourrir en plus, ça le faisait mal. C'est bien ce qu'ils nous ont confié. Mm-hmm. Ouais. Oui, bah, là, je reprends en tant que joueur. Oui, mais le problème, c'est que ça ferait une autre bouche à nourrir. Donc, est-ce qu'ils n'avaient pas prévu... Vu que maintenant, il y a un médecin avec eux, est-ce qu'ils ont garder pour pouvoir aider tout le reste de la colonie. Après, il faut garder l'humanité et rester pour au moins que l'enfant naisse correctement. Surtout que depuis, on est malheureusement responsable de cet enfant. Je suis d'accord que si on partait techniquement, ça les ferait eux revenir au point de départ, mais nous, c'est pas la même chose. Nous, on aurait délibérément choisi de partir sans. Maintenant, j'ai conscience de tout le souci que ça peut poser autour. Et encore une fois, si jamais vous voulez vraiment y aller, on peut pas reprendre de l'avance, oui. Pas, mais... On dira qu'on n'était pas au courant et ce sera réglé. Malheureusement, nous, on va être sans doute obligés de rester encore un tout petit peu, ne serait-ce que pour enquêter à droite à gauche et au moins à accomplir ce devoir. Un bébé, c'est peut-être le dernier espoir qui nous reste quant à un avenir prospère dans un autre monde similaire à celui d'avant pour la race humaine, en tout cas. Melrose se rassoit sur son matelas et Archibald, lui, dit Faites ce que vous voulez, on vous suit, mais je suis d'accord avec Alexios. Pourquoi vous pensez que ces gens décident de partager leur confort, leur richesse, et de se rabaisser à notre niveau, du coup ? Ils ont clairement envie de nous utiliser, et pas seulement pour le bébé, nous utiliser beaucoup sur la durée. C'est une nouvelle forme de colonialisme qui est en train d'apparaître. Alors, je ne vous parlais pas de la forme du colonialisme, mais moi, je parlais juste de la forme que ça prend. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi de leur part à vouloir nous garder on ne leur a jamais posé encore la question de ce qu'ils voulaient faire du bébé avant. Ça va de soi. Tu ne demandes pas à un médecin pour après gérer le bébé. S'ils veulent nous utiliser, c'est qu'ils le veulent, ce bébé. C'est qu'ils veulent le garder. Oui, mais qu'est-ce qu'ils voulaient avant que nous, on arrive? Le garder, c'est juste qu'ils sont tombés sur personne, et notamment le fait que Driver soit médecin joue pour nous pour le fait qu'ils ont voté pour qu'on reste. Je rappelle que la toute première fois, lorsqu'on a parlé à Rasnov, il avait juste dit que son groupe était fermé et qu'il prendrait personne. Il en a réfléchi après avoir commencé à nous connaître. Ça, évidemment, oui, qu'ils vont nous utiliser, mais le truc, c'est que en même temps, on est 30, 29, bientôt 30, mais à 30, si une personne ne fait rien, ça va se sentir. On a besoin d'être tous actifs. Je comprends leur idée. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on était un peu plus en privé, c'est que si on doit s'assurer qu'ils sont pas néfastes pour nous et qu'on puisse se permettre d'avoir ce temps supplémentaire, il faut pas non plus qu'on se crée nos propres ennemis ici. Et que finalement, en étant trop sur nos gardes, on finit par s'attirer plus de problèmes qu'autre chose. Sur nos gardes de manière intelligente, faisons gaffe à ce qu'on nous accuse pas à tort, mais... C'est ça, mais après, en même temps, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne puisse pas partir sans avoir de représailles. Genre, jusqu'à présent, ils ne nous ont jamais fermé la porte. Si vous voulez partir, vous pouvez. Après, c'est nous qui nous imaginons que peut-être si on part, on va nous faire quelque chose. En soi, on n'en sait strictement rien. Le problème, c'est la situation encore. C'est genre, tu vois, genre quand il dit si je vous conseille pas de partir, c'est pour votre bien. M'aurais dit ça il y a un an, j'aurais dit ok, pas de soucis, t'es un mec cool, tu me dis ça aujourd'hui, je me dis putain, c'est parce que t'as envie de me zigouiller. C'est le problème, quoi. Y a plus rien qui va. Le truc, c'est que on doit rester pour au moins l'enfant, enfin aider la femme à accoucher, oui, pour l'enfant. Mais je pense que s'ils avaient énormément confiance en nous, ils auraient pas lancé une enquête contre nous. En même temps, on arrive, sachant il commence à avoir des vols. Oui, mais il pouvait y avoir aussi des vols en interne avant qu'on arrive. L'enquête, ils n'ont pas dit que c'était particulièrement contre nous. Ils ont juste dit qu'ils enquêtaient sur la question et que c'est mené par des gens qui étaient principalement contre nous. Donc on sait qu'eux le mènent comme ça, mais quand ils leur ont demandé, ils n'ont peut-être pas demandé de particulièrement nous chercher. Oui, mais... il faut quand même qu'on garde confiance qu'entre nous, et que pour le moment, avant de leur donner trop notre confiance, qu'on se méfie d'eux aussi. Moi, je vais vous le dire, je préfère vous avoir, vous, comme ami, que le lendemain que je me retrouve avec un couteau sous la gorge. Pour le moment, il n'y a que vous avec qui je peux installer la confiance est déjà installée. Avec eux, il faut qu'elle s'installe petit à petit, il ne faut pas leur donner pleinement notre confiance. Oui, mais on a parlé d'enquêter, de faire gaffe, d'étudier, c'est qu'on va pas leur faire pleinement confiance, évidemment. Ce que je dis juste, c'est que le côté anxiogène de ce qui est en train de se passer, il faut qu'on l'efface, faut qu'on... faut pas qu'on soit parano et que le moindre signe, on le prenne comme une agression et une menace future. C'est ça. Je pense que c'est ça. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Je pense que on surréagit, on est tous traumatisés de ce qui se passe. Je pense que l'épisode qu'on a eu avec les militaires nous a profondément affectés et que maintenant nous sommes dans la peur. nous avons peur de tomber sur, encore une fois, des gens qui veulent nous utiliser, qui veulent... Alors, ça se trouve, c'est juste des gens qui voient une opportunité d'avoir des gens compétents, des gens qui sont aptes à pouvoir... servir la communauté dans son ensemble. Et en soi, c'est ce qu'on veut aussi. Je pense que si demain, on était tombé sur des gens qui puissent nous apporter un plus à la communauté, on aimerait qu'ils restent, tout simplement. Même si on les enfermerait pas. Mais on serait plutôt heureux de les voir rester avec nous. Et je pense qu'on agirait de la même manière que ce qu'ils font avec nous en ce moment. On aurait aussi des gens sceptiques, on aurait aussi des gens qui auraient peur de ces nouveaux arrivants et qui jouent, qui ne voudraient pas d'eux. Donc, en soi, je pense qu'ils nous ressemblent beaucoup plus qu'on imagine. Je suis totalement d'accord. Je rejoins Ed là-dessus. Je crois que je rejoins aussi. Écoutez, donnons-nous encore un peu de temps. Essayons quelque part de prendre un peu de recul par rapport à ça et de mettre notre scepticisme de côté. On va essayer de leur donner une chance. Pas scepticisme, je dirais juste notre paranoïa. Parce que cet scepticisme va être important, je pense, dans les jours à venir, surtout tant qu'il y a des doutes sur notre groupe. Moi, le conseil serait surtout ça. Déjà, vraiment, j'insiste dessus, laissez personne vous approcher ou approcher vos affaires sans votre surveillance. Ayez toujours un œil qu'on va pas vous glisser, genre des médicaments, un truc comme ça. En plus, ça peut se glisser très facilement dans un sac pour nous accuser. Et deuxièmement, on va partir du principe qu'ils sont bienveillants et on va essayer de vérifier qu'ils le sont. S'ils le sont pas, on le saura assez vite et on réagira très rapidement. S'ils le sont, on pourra se permettre d'avoir le bénéfice du doute. Ok. De mon côté, si ça ne vous dérange pas, je pense que il faudrait aller voir Raznov, mais de préférence une personne, voire deux grands max, pour pas attirer quand même forcément l'attention, qu'on soit à 5 ou 6 pour aller le voir, pour lui toucher un mot par rapport à nos inquiétudes sur le fait que certains de leur groupe peut-être voudraient nous voir partir et seraient capables de tendre un piège quelque part et qu'il puisse lui de son côté peut-être mener sa petite enquête avec des gens de confiance pour peut-être faire surveiller certaines personnes qui pourraient être susceptibles de le faire. Je suis d'accord avec Ed et ça me dérange pas de pas faire partie du groupe qui va lui en parler étant donné que je suis la plus jeune. En tout cas, moi pour ma part, je pense que je vais y aller maintenant. Qui veut venir? Moi, je veux bien. Ok. Très bien. Les deux qui n'y vont pas, qu'est-ce que vous vous arrangez à faire? Moi, j'aimerais bien... Oh, bah, vas-y. Non, vas-y, t'as compris. Bah, moi, en fait, j'aimerais bien voir E-Driver si on peut, du coup, vu les changements de plan, se préparer la salle, préparer le matériel pour vraiment l'arrivée du bébé et faire se coordonner. Truc un petit peu. Ouais. Cette idée-là, alors à la limite, ça, je te laisserai bien cette partie-là. Moi, je voulais... aller voir parmi les survivants du groupe s'il n'y avait pas des femmes enceintes, enfin pas des femmes enceintes, mais des femmes qui auraient eu des enfants par le passé, et discuter avec elles de comment ça se passe, comment ça peut se passer, etc. Ouais, c'est dans le même niveau, quoi. Savoir si, par exemple, quelqu'un aurait pu avoir eu à faire une césarienne, ce genre de choses. Ok. D'accord, très bien. Je vais vous laisser de côté pour l'instant, et je vais m'occuper des deux qui vont voir Raznov. Très bien. De votre côté, Ed et Alexios, donc vous remarchez de nouveau en direction donc du fameux du bureau entre guillemets, parce que ça n'a pas du tout les airs d'un bureau, des dirigeants, et en vous approchant donc en ouvrant la porte, vous vous rendez compte qu'en effet Raznov est de nouveau seul et qu'il est simplement en train de regarder juste une espèce de carte de la ville qui a été accrochée sur un mur. D'un air pensif. Bah du coup je m'approche et je fais un petit. Moi je suis juste derrière Ed. Je monte ma tête comme ça. Il se retourne, hein, un peu perdu de ses rêveries. Et fait... Ah, encore, ouais. je peux vous aider ? En effet, nous aimerions discuter avec vous d'un sujet un peu sensible. Si c'est possible de garder ça, que ça reste entre nous, ou du moins entre des personnes de confiance. Comme on vous en a parlé, nous sommes allés en discuter avec les personnes dont on pensait qu'il était possible qu'ils aient peut-être mis la main sur des choses chez vous. Et après avoir vérifié et même vérifié leurs affaires, nous n'avons rien trouvé. Et ils nous ont assuré qu'ils n'étaient pour rien dans tout ce qui s'était passé. Seulement, voilà, après réflexion, nous sommes rendus compte que notre arrivée n'a pas fait l'unanimité chez vous et que certaines personnes ont l'air de ne pas apprécier notre présence et nous auraient préféré nous voir partir. D'ailleurs, vous avez bien noté que si nous sommes restés, notre vote a pesé lourd dans la décision. Et si nous n'avions pas pu voter, je pense que peut-être serions-nous dehors en ce moment même. De ce fait, et c'est pour ça que je viens vous en parler à vous, car je pense que nous faisons, je pense, une confiance entre guillemets mutuelle. Nous pensons peut-être que des gens de chez vous essaient par des moyens un peu détournés de discréditer notre groupe et pourraient peut-être faire en sorte de faire porter le chapeau sur des gens de chez nous pour nous faire mettre dehors. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Explicitez. Eh bien, de ce que nous avons compris, personne d'entre nous n'a volé dans vos réserves. Et nous avons peur, nous espérons que ce n'est pas le cas. Mais nous avons peur. Vous avez demandé à tout le monde ? Bien, nous avons fait le tour des gens susceptibles de le faire. Et nous pensons que les autres ne sont pas capables de faire ce genre de choses. Ils ont, un certain confort ici même, et ils ne mettraient pas en danger ce qu'ils ont comme confort ici pour des bêtises. Les seules personnes qui auraient pu être susceptibles de le faire, nous avons confronté. Nous avons vérifié leurs affaires et nous avons discuté, on va dire, de façon assez sérieuse avec eux. Et ils nous ont assuré qu'ils n'étaient pour rien là-dedans. Alors, ça n'enlève pas à 99% le possible mensonge. Ça, je vous l'accorde. Mais on ne peut pas omettre que peut-être, et c'est pour ça que je vous en parle à vous, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que certaines personnes pourrait essayer de chez vous, de par le biais de fourberie, de faire en sorte que nous soyons des voleurs, peut-être en mettant des affaires qui vous appartiennent dans nos affaires, pour nous faire jeter dehors. Je dis ça, je préfère vous en parler. Maintenant, je n'ai aucune preuve ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Je mets juste à votre attention ce qui pourrait être possible. Fais-moi un petit jet de pouvoir, s'il te plaît. Alors, pouvoir... Alors, j'ai 29 moyens. Ok. Toi et Alexios, vous voyez qu'il prend de nouveau son air sombre. Il regarde un peu le sol d'un air contrarié. Et sans relever les yeux vers vous, il dit simplement, un peu en marmonnant sa barbe, mais assez fort pour que vous l'entendiez, EJ pense comme vous. Enfin, il pense pas ce que vous pensez, mais il pense de la même manière. Il fait confiance à personne. Considère que l'inconnu est dangereux. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que nous sommes tous foncièrement bons. Dieu nous a mis sur Terre pour une raison, c'est de faire le bien. Oui, ben on a bien vu ce que Dieu a fait. Il y a... Taisez-vous. Il y a une seule chose qui pousse les hommes à faire le mal, et c'est la peur. Aucun parmi nous n'avons peur. Les seuls qui sont en position d'avoir peur, c'est vous, et je le comprends bien dans votre comportement et tout simplement en mettant à votre place. S'il y a voleur ici, c'est chez vous, et je ne vous laisserai pas accuser notre communauté qui, depuis le début de tout cela, est restée unie depuis le début. Alors, je comprends. Je pense que vous connaissez bien les gens qui composent votre communauté. Mais si comme vous le dites, les gens chez vous n'ont pas peur, pourquoi certains d'entre vous, et pas un peu, c'est quand même beaucoup, puisqu'il a fallu que nos votes soit là pour que nous restions. Pourquoi ces gens n'ont pas voulu que nous restions ici, à part la peur? Alors que normalement, tout le monde est censé être bon, d'après ce que j'ai compris. Bon ne veut pas dire stupide. Oui, mais c'est très... Si nous rationnons, c'est pour une raison, c'est que nous savons bien que nous n'avons pas des ressources finies. Je comprends parfaitement qu'ils aient refusé que vous soyez là. Maintenant, depuis le tout début, nous avons ce système de vote. Ces votes centralisés dans lesquels, lorsque nous décidons, nous faisons. Et tout le monde s'y fuit. Et ça a été le cas depuis le début, avec des décisions qui ont été plus difficiles que celles d'accepter 9 personnes parmi nous. Je comprends. Et si vous voulez tout savoir... C'était des choix qui entraînaient la mort et l'exécution. Des choix qui pèsent bien plus que de vous laisser dehors. Ok. En tout cas... Alors... Oui, vas-y. Alex. Vas-y, y a de... Non, toi, vas-y. Je n'ai fait que parler depuis le début. Est-ce que vous avez eu des personnes qui volaient avant qu'on arrive? Vu que vous nous parlez des choix sur des exécutions ou des laisser partir. Non, jamais. Nous n'avons pas eu de vol. Comme je vous l'ai dit, ça a commencé plus ou moins à votre arrivée. Donc, admettons, comme ce que dit mon ami, et je le rejoins pleinement, on a confiance en vous, vu qu'on a discuté avec vous quand vous êtes venu. Donc, vous êtes censé savoir que... On a le même système que vous pour voter. On les a fait parler aux autres personnes. Elles sont innocentes. Donc, moi, je souhaiterais qu'il y ait une enquête aussi interne parmi vos personnes. Et que vous fassiez en plus... On n'est jamais au courant. Nous avons lancé une enquête. Elle n'est pas centrée sur vous. Elle est centrée sur tout le monde. Et on peut savoir les objets qui ont disparu si jamais on en retrouve. On mettait la main dessus. Oui. Si on en retrouve aussi. J'ai rien fait. Je suis innocent. C'est le bizarre qui a décidé d'arrêter. Oui, il y a. Et il vous fait une petite liste donc de quelques médicaments. Attendez, je note. Ouais, surtout des petits médicaments pour les mal de ventre ou des choses qui. Vraiment assez minime en réalité, hein. Pas de choses qui se remarqueraient énormément. Ouais. Et surtout de la nourriture qui peut se garder pour un certain temps. Voilà, ils n'ont pas volé de la viande ou quoi que ce soit, ils ont vu comme des barres céréales ou des conserves ou ce genre de choses. Je me pose une question qui vient à mon esprit là tout de suite. La nourriture, Je sais que... Enfin, j'ai lu dans les livres. Avant de tout se merdier, là, j'étais dans la bibliothèque. Je m'occupais de la bibliothèque de Miami. Mais avant, j'avais fait une fac, comme à Harvard et tout ça. Mais le problème, c'est que moi, d'après ce que j'ai compris dans les livres, une femme enceinte a énormément faim. Donc, est-ce que ça serait pas aussi la femme enceinte qui a faim parce que le bébé à l'intérieur a faim aussi et a besoin de grandir et qu'il meurt pas à l'intérieur et que ça met pas en jeu la vie de la femme. Après, il faut demander à notre experte, bien évidemment, à notre médecin. Mais les médicaments, je sais pas. Franchement, à moins que vous ayez un toxicomane parmi vous, moi, je sais pas encore si nous on en a. Bah après, je sais que chez nous, il n'y a personne qui a besoin. On peut tout à fait imaginer si ce sont des médicaments pour la douleur, une femme enceinte également, eh bien, les petites contractions ou des douleurs de dos, ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Maintenant, ce sont des... Lucie est une personne perturbée qui pourrait être susceptible de ne pas respecter, en effet, de telles règles établies, mais Lucie est toujours accompagnée. Dans son état, on ne la laisse pas seule. S'il a fait quelque chose, alors ce serait avec l'aide de la personne qui l'accompagne, et ce serait assez tiré par les cheveux. Ben peut-être, parce que regardez, vous nous dites que il y a de la nourriture qui s'est, on va pas dire évaporée comme par magie, mais que quelqu'un a volé une partie de la nourriture. Donc c'est fort probable que peut-être la personne qui l'aide, je ne soupçonne personne, bien évidemment. Peut-être que la personne a voulu l'aider parce que elle avait vu que vous rationnez. Peut-être que ces rations-là n'apportent pas suffisamment de nutriments au bébé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Peut-être une autre femme, une autre femme qui aide une femme enceinte, tout simplement par conscience. Enfin, par conscience, elles savent. Ce que c'est de passer par rapport à une grossesse, chose que nous ne connaissons, qu'on n'étrons jamais. Et peut-être que, et bien par acquis de conscience, elle lui donne un coup de main, elle la soutient. Mais après, ce sont des idées lancées comme ça. Il n'y a pas de. On essaye, tout comme vous, de trouver une solution et de savoir qui est derrière tout ça. Vous avez toute ma bienveillance. Et si vous voulez enquêter de votre côté parce que vous considérez que les nôtres seraient biaisés, allez-y. Je vous conseille même d'aller commencer avec Nathalie. Après tout, c'est la chef des femmes, pour ainsi dire. Oui. Mais le problème, c'est que... les femmes qui restent avec Lucie. Le problème, c'est que si là, vous nous dites ce genre de choses... Ça voudrait dire, moi je veux bien enquêter, mais le problème, je préférerais que vous écrivez vraiment ça, que nous on peut enquêter, sans que ça nous mette aussi en danger. Parce que si nous on commence à enquêter sur les autres vont pas vouloir qu'on reste. Vous comprenez ? Qu'est-ce que vous voulez, une nouvelle identité et qu'on vous envoie au Mexique ? Non, moi non, je veux non, un papier non. Comme quoi vous écrivez que vous nous laissez enquêter sur votre groupe. Comme quoi, on pourra dire, ben voilà, votre chef a dit qu'on pouvait, et qu'il nous autorisait. Je suis ravi, je suis flatté de savoir que vous considérez notre communauté comme aussi avancée, mais nous n'avons pas encore développé la TARC et la bureaucratie. Que je vous écrive un papier ou pas, ça ne changera rien. Seulement que je vous ai laissé faire. Quoi qu'il en soit, au-delà de ça, sachez une seule chose, c'est qu'on vous a prévenu d'une possibilité... qu'on soit peut-être pris sur une accusation. La seule chose, c'est que maintenant, vous le savez, et que si demain, pour une raison ou pour une autre, on trouvait des choses dans nos affaires, alors que, voilà, on partage avec vous des choses, les gens de notre groupe sont au courant de ce qui se passe. Donc, je pense que les gens, c'est nous, seraient pas assez stupides pour cacher des trucs dans leurs propres affaires en sachant qu'ils sont aujourd'hui surveillés. Donc, c'était simplement pour vous dire que si demain on trouvait ça, ce serait. Il y aurait potentiellement quelque chose de louche. Voilà. Je préférais vous le dire avant. Vous êtes au courant. Les personnes qui sont avec nous sont au courant de ça et que ce serait très, très mal avisé de cacher des choses dans leurs affaires aujourd'hui. Donc si ça arrivait, vous seriez à l'avance. Que peut-être. Voilà. Ce sera pris en compte par moi, Patrick, AJ. Comme vous le savez, nous fonctionnons par vote. Donc que nous le sachions ou pas, c'est le grand nombre qui décidera, mais nous prendrons en compte. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de nous avoir écoutés. Nous allons de notre côté mener une petite enquête sans trop être très invasif, parce que c'est pas l'intérêt non plus d'être mal vu par les gens et poser des questions à tout va, mais avoir un œil peut-être sur certaines choses. Et si jamais nous trouvons quoi que ce soit, eh bien nous reviendrons vers vous pour vous en faire part. Avec plaisir. Voilà. Sachez que de notre côté, le docteur Driver et Cinda sont en train de préparer tout ce qu'il faudra pour Lucie. Pour que le moment venu tout soit prêt et que rien ne soit laissé de côté. Voilà. Bon. Au revoir, chef. Au revoir. Je vais maintenant me tourner vers Driver et Cinda. Cinda à qui je vais demander un jet de connaissance et Driver à qui je vais demander un jet de pouvoir. Eh bien, de ton côté, donc Driver, tu interroges un peu par-ci par-là, tu en parles aux femmes de ton groupe, mais il y en a aucune, mis à part toi et Cinda. Mais en tout cas, aux autres. Eh bien, la réponse est non. Tu demandes aux autres femmes, c'est-à-dire Nathalie et d'autres femmes non nommées ici, parce qu'il y en a d'autres. Bien sûr. Et bon, tu reçois quelques informations. Certaines, en effet, ont été enceintes. T'en as même une, en effet, qui a dû avoir une césarienne. Tant bon, je t'épargnerai les détails parce que je ne suis pas en capacité de te les donner. Mais tu apprends, ou en tout cas tu as les bonnes informations qu'il te faut. Et tu es rassuré en tout cas en tes capacités. Ok, très bien. Cependant, ouais. Quand tu reviens dans la pièce dans laquelle tu as laissé Cinda préparer l'avenir à la future opération qui pourrait avoir lieu. Bon, tes connaissances te suffisent quand même à savoir que elle a fait n'importe quoi. Bon, de toute façon, a priori, c'est pas pour tout de suite, donc c'est pas grave, je l'engueule pas, je remets vite fait là 2-3 trucs en place, et puis le reste, je m'en occuperai plus tard. Et puis je pense qu'un petit peu comme la dernière fois, vu qu'on est dans un moment avec pas mal de pression, je profite du fait qu'on soit tous les deux dans une salle, genre, pour se poser, discuter de tout et de rien, faire des petits cocktails avec les médicaments que j'ai volés hier soir. Merde. Des cocktails à la codéine du groupe. Non, enfin bref, voilà. Très bien, très bien. Bon, du coup, vous faites ce que vous avez à faire. J'imagine que tout en discutant, je remets pareil, tu vois, 2-3 trucs en place, histoire que si jamais ça venait arriver tout de suite, que ce soit à peu près... En remettant tout en place, tu te demandes quand même ce que Cinda avait en tête, parce qu'il y a des moments où tu... Rien que sur l'endroit qu'elle avait préparé pour qu'elle s'allonge, par exemple, t'as l'impression qu'elle aurait été pliée en deux sur la table. Cinda qui a construit des barricades avec le lit d'opération et les meubles. Mais bon, tu réarranges en essayant de pas le faire de manière trop... pas trop blessante pour Cinda, on va dire. Et au bout d'un moment, donc, vous avez le retour de Alexios et Ed. Si vous avez des choses à vous dire, c'est maintenant. Bon, du coup, on lui a tout dit. On lui a dit ce qu'on a fait et tout ça, les démarches. Quoi. Et il nous autorise à enquêter de notre côté aussi sur leur... Mais bon, moi, après, je laisserai l'avis à Ed. Mais je serais d'avis juste de regarder de personne et de ne pas enquêter. Ça va empirer les choses, comme tu as dit. Si... pas se faire d'ennemis. Mais le problème, c'est qu'en nous posant, en nous disant ça, ça peut nous apporter des ennemis aussi, si on enquête sur leur propre groupe. Sinon, clairement, Raznov a entièrement confiance dans les gens de sa communauté. Selon lui, ça viendrait absolument pas des gens de chez lui. Et s'il y a des voleurs, ils sont forcément parmi nous. Après, il n'est pas complètement fermé. Mais on sent quand même que on va marcher sur des œufs dans cette histoire et que il a quand même, disons, mis l'accent sur une chose qui est importante, c'est que le vote fait tout ici. Et que même si nous arrivions à convaincre Raznov et quelques-uns d'entre eux à notre ressentiment, si la majorité vote contre nous, eh bien, il n'aura pas de poids. C'est parfait. Je rejoins Alexios, ça serait se perdre que partir enquêter maintenant. On avait comme but d'enquêter sur leur... soi-disant bienveillance, s'assurer qu'elle l'est vraiment. Je pense que commencer à essayer de chercher qui est coupable de quoi, ça mènerait rien. Nous, on doit juste s'assurer que ça vient pas de chez nous et qu'on nous accuse pas à tort. Tant que ni l'une ni l'autre se vérifie, on s'en fiche. Les enquêtes vont se faire. Je sais pas si c'est l'un des leurs, bah ils vont le savoir, ils vont en parler. Si c'est un des nôtres, soit nous on fait mal notre boulot et on a pas fait gaffe, soit je sais pas, il faut... Quoi qu'il en soit, je pense que c'est pas le but, et en nous mêlant à eux, et en se mêlant tout simplement au groupe, arrêter de séparer les deux groupes, juste à essayer d'en faire un seul pour voir ce qui se passe, et pour voir si on peut finalement être apprécié, voir si on peut leur faire confiance ou non, on est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on peut gagner à la fois leur confiance, et à la fois nous, on peut commencer à leur faire confiance, et... On a tout à gagner et rien à perdre, parce qu'au pire, on se barre, on est dans la même situation avant de les avoir connus, donc essayons de trouver le meilleur des chemins. Alors après, pour finir, j'ai quand même terminé sur le fait que qu'ils sachent que tous les gens de chez nous sont au courant, qu'ils savent qu'il y a eu du vol dans leur réserve. Et que, en gros, ce serait complètement stupide de notre part de cacher quoi que ce soit dans nos affaires personnelles. Et que donc, si jamais il était avéré et trouvé que dans nos affaires se trouvait de quoi que ce soit, eh bien, Raznov, lui, était déjà au courant que ce serait quand même suspicieux que ça se retrouve. Alors, en sachant que nous sommes tous au courant, nous, ils ont découvert qu'il y avait des manques. Ah, ça reste quand même 19 personnes qui pourraient nous suspecter, donc c'est ça. Jouer la carte de la prudence. Et... mais voilà. Après, Alexios a notifié quelque chose d'intéressant, c'est que Raznov nous a indiqué ce qui manquait, ce qui avait été dérobé. Et a priori, ce sont des médicaments de type antidouleur, des petites choses, et de la nourriture qui se conserve, donc soit de la conserve ou sec. Il a mentionné l'idée qu'il était probable, il était possible que ça pouvait venir de Lucie. ou de quelqu'un qui le fasse pour Lucie. Hein? Tous avec Sauce. Et que du coup, comme elle est enceinte et qu'elle a besoin forcément d'un surplus de nourriture, on sait qu'à ce moment-là, à la grossesse, les femmes enceintes ont besoin de beaucoup plus se nourrir puisque le bébé a besoin de se nourrir. C'est quoi les médicaments ? Les antidouleurs. Il faut qu'on sache lesquels, parce que... Simon, que ce soit elle, ça serait pas totalement déconnant, elle a besoin de manger, elle n'ose pas demander, donc elle vole, elle est là depuis très récemment, ok. Honnêtement, c'est une situation qui peut arriver, et personnellement, je lui en voudrais pas. Par contre, il faut peut-être qu'on intervienne juste là-dessus, si jamais elle prend des médicaments, disons que je sais que la plupart sont pas forcément conseillés pour les femmes enceintes, quoi. Bah, en tout cas, ce serait bien de savoir. En tout cas, Raznov, sur ce point-là, n'a pas été opposé à l'idée. Il nous a dit que elle était tout à fait capable de le faire. Après, c'est juste que son état, en gros, elle est toujours accompagnée de quelqu'un, donc ce serait difficile pour elle de le faire sans que quelqu'un le sache. Ouais, ça serait donc, pas difficile de convaincre quelqu'un. C'est une femme enceinte qui souffre. Elle me l'aurait demandé, j'aurais pu céder. Clairement, c'est pas le. Donc peut-être demander à une femme dans ce cas-là, à des femmes qui aident, qui l'aident. Et aux enfants aussi, on peut leur demander. Moi, ce que j'ai souligné aussi, c'est qu'il se fie énormément au mec de là-haut, là, Dieu. Aussi, mais bon, ça, je l'ai relevé, mais bon, je vous laisse passer. Mais j'ai un mauvais sentiment sur le fait qu'il a pas tort. Ouais, mais il nous a déjà abandonné, le monsieur qui est là-haut. Du coup, mais. Pour revenir au truc, c'est que il dit que même si elle est amnésique, il la surveille tout le temps. Mais bon, le problème, c'est que est-ce que c'est pas les femmes qui tournent à chaque fois ? C'est qu'importe. À vrai dire, je pense qu'on prend le problème du mauvais côté. On s'en fout de ce qu'on le sait, de qui l'aide ou pas. C'est là, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout si elle prend des médicaments, ça serait bien de s'assurer qu'elle n'ait pas niqué son enfant et sa santé avec, quoi. C'est ça. Mais il faudra lui poser des questions, mais bon, comme elle est amnésique, est-ce qu'elle va pas jouer sur ça ? Non, parce que Driver et moi, on va s'en occuper, elle sait qu'on s'occupe d'elle, on va être dans l'intimité, et sachant que on s'en bat la race, moi je m'en bats la race des retombées, moi je veux juste pas que, enfin merde, qu'on prend des risques pour rester, pour sauver le gosse, si c'est elle qui le bute. Ça me ferait tout aussi mal. Oui, de toute façon, c'est à vous, quelque part, de vous rapprocher d'elle en tant que femme et d'essayer de voir si elle a fait ça. Après, c'est dans son intérêt aussi, pour le bébé, de ne pas faire n'importe quoi. Je pense que la ligne de conduite, c'est de laisser couler. De dédramatiser ce genre de choses pour qu'on arrive à s'intégrer. Et sans s'intégrant, qu'on arrivera à savoir, comme je disais tout à l'heure, s'ils sont vraiment bienveillants, si on peut leur faire confiance, et tout ce genre de choses. Donc, faisons ça, et Driver et moi, on va aller voir Lucie, voir si sa santé est en danger. Ça marche. De mon côté, moi, je vais voir un petit peu ma petite, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah ben elle est morte. Quoi ? Et moi de mon côté, je vais essayer de trouver des bouquins dans le musée parce que normalement il doit y avoir des livres dans un musée. Okay. Non, ils sont tous brûlés. De l'ancien temps. Ils ont tout brûlé. Quelle bande de cons. Alors je vais me concentrer pour l'instant sur Driver et Cinda qui partent rencontrer Lucie. Et donc, bon, vous la cherchez un petit moment et vous la retrouvez finalement, en réalité, dans les cuisines, là où il y a aussi les réserves, etc. Et vous la trouvez donc avec accompagnée de Nathalie, donc la fameuse chef des cuisines et des femmes, et ainsi que de Bob Patrickac et Eric O'Malley, donc les deux personnes de votre groupe auxquelles vous n'avez pas parlé pendant cette session. Voilà, ils sont tous un peu en train de faire la cuisine a priori pour ce soir. Mis à part du coup Lucie qui est à côté et qui passe un peu le temps en discutant, en restant assis avec eux. D'ailleurs, Nathalie, elle, en vous apercevant, vous fait un signe de la main et vous dit « Ah, salut tout le monde !»« Salut, ça se passe bien ?»« Ça se passe bien, vous venez nous aider ?» On aimerait d'abord parler à Lucie rapidement par rapport à un sujet pas. Plutôt évident. Et après, on donne un coup de main si vous le souhaitez. Mm-hmm. Elle retourne à bosser. Hein. Ok. Pendant qu'on marche vers Lucie, je demande à Driver est-ce qu'elle prend le lead et elle gère cette conversation ou si elle préfère que je le fasse. Si ça te dérange pas, je préférais que tu le fasses déjà parce que je saurais pas forcément comment amener le truc et puis aussi parce que c'est peut-être bien de garder un semblant de lien de confiance, on va dire, entre elle et moi. Ouais, enfin, si jamais elle prend mal. Ou elle le prendrait mal, peut-être que. Ouais. Maintenant, si jamais. Enfin, je veux dire, après, je peux participer un petit peu aussi, et puis si jamais tu voulais que j'aborde certaines choses, n'hésite pas. Hein. Ouais, non, oui, mais évidemment. Tu es mon. Je serais pas. Mon option médecin. Je pense quand même que je vais avoir mon truc, on va dire. Je te laisse peut-être l'initiative. Ok. Du coup, arrivant vers Lucie, déjà je la salue, je lui demande si elle va bien, un truc habituel. Bah, tu vois que la plupart du temps, elle te répond pas, elle hoche juste de la tête quand c'est possible, et juste quand tu lui demandes comment ça va, elle te dit ça va très bien. J'ai l'impression que elle met les mains sur son ventre et que ça va pas durer, ça va arriver dans pas longtemps. Mais ça tombe bien, nous on prépare tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans les meilleures situations. Merci. On venait te parler parce que on voulait déjà savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est vu qu'on arrive à terme, est-ce que tu as des douleurs particulières, est-ce que tu as des choses comme ça, est-ce que oui j'en ai discuté avec les autres bien entendu et rien qui a l'air de sortir de l'ordinaire par rapport à ce qu'il y a. Oui justement c'est ce qu'on doit essayer de de voir. Un petit jeu d'observation à toutes les deux s'il vous plaît. Oui. 16 et j'ai fait 30. Et ma fiche est fermée. Bon, c'est un bon jet quand même. Observation. C'est où observation? On n'a pas observation. Non, c'est attention. Du coup, attention, je suis bas et j'ai fait 33. Moi, je suis très mauvaise, mais j'ai fait 16, donc j'espère que ça compense. A priori, de vos petits coups d'œil plus ou moins experts en fonction de si c'est Cinda ou Ashley, enfin, ou Driver ou n'importe qui d'autre, a priori, physiquement, mis à part ce qui est évident, elle n'a pas l'air d'être dans une santé qui sort de l'ordinaire, elle n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes, elle n'a pas l'air d'avoir de montrer de signes qu'elle soit malade ou quoi que ce soit, qu'elle soit sous-nourrie ou sur-nourrie ou quoi que ce soit, elle a l'air assez. En pleine forme pour une femme enceinte. Oui. Moi, je vais. Je vais parler un peu plus doucement et je vais lui dire. Ok, j'ai pas passé par quatre chemins. En fait, en aidant le groupe, etc., on a appris qu'il y a quelques médicaments pour la douleur au ventre qui manque. Et je t'avoue qu'en fait. On s'est inquiété que ça pouvait être toi, notamment à cause de ta grossesse, si jamais elle était douloureuse. Et on voulait juste s'assurer, en fait, que si jamais c'est toi, moi je m'en fiche, tu vois, genre... c'est tout à fait normal, mais surtout pour des questions de santé, que ça te mette pas en danger, ni toi, ni ton enfant. Non. Moi, Je ferai pas ça, je suis pas... Je suis peut-être perdu, mais je suis pas... Non, mais... Je sais que c'est pas bien. Dans tous les cas, il y aurait aucune honte et ce serait rien de très grave. Et bon, si c'est pas toi, dans ce cas, on te croit, il y a aucun souci. Profitons-en, si jamais tu venais à entendre un bruit de couloir rôde par rapport à ça, alors on te demande pas du tout de nous remonter l'information, parce que l'idée n'est pas de dénoncer qui que ce soit, mais simplement peut-être de faire raisonner la personne qu'il n'y a aucun souci à venir me voir, par exemple, pour demander plus de doses, certaines doses par rapport à certaines maladies ou troubles. En fait, surtout le gros risque, ce serait qu'on puisse nous soupçonner, nous, notre groupe qui viendrait d'arriver, d'aller puiser dans les vôtres. Donc, je sais pas si c'est clair, mais on n'est pas là pour dénoncer qui que ce soit. Enfin, voilà, si les vôtres s'arrêtaient dans les jours à venir, ça nous arrangerait énormément, je pense, tous. Mais dans tous les cas, donc, comme on dit, on pense que c'est pas toi, mais si même toi, au-delà de ça, tu penses besoin de plus de doses ou autre, n'hésite pas à venir nous en parler ou à en parler du coup à Raznov ou à Patrick. Plutôt Raznov. Et je rajouterais qu'au-delà même de l'aspect de notre groupe, parce que c'est vrai qu'on doit encore se faire accepter, parce que tu connais ça, t'es arrivé très peu de temps avant nous. Le truc, c'est que, tu vois, genre les médicaments, c'est quand même le genre de truc qui peut être dangereux, et Driver et moi, on est bien placés pour du coup en parler, mais on verrait juste pas qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Surtout qu'apparemment, de ce qu'on a compris en parlant avec Rasnov, c'est quelque chose d'assez récent, donc on doit juste s'assurer que, enfin, ça serait dommage que lorsqu'on arrive, des gens commencent à avoir des problèmes de santé, quoi. Enfin, après, heureusement, on peut être là, on peut intervenir, mais... Moi, je m'inquiète. Faites-moi toutes les deux un jet de pouvoir, s'il vous plaît. Oui, madame. Elle vous dit... Ça va. Non, j'ai fait 14 et je suis très mauvaise. Ok. J'ai pas entendu pour toi, Ashley. J'ai fait 84, mais et je suis bonne. Ok. Du coup. Après que vous ayez fait votre petit double discours, elle prend un air un peu pensif, elle dit non, c'est pas. J'en ai rien fait, j'en ai jamais entendu parler, mais je crois que hier, ou peut-être avant, je sais plus trop, j'ai entendu AJ parler de produits, de médicaments, peut-être de choses scientifiques. De médecin, peut-être, je sais pas. C'est la seule chose qui a l'air en rapport qui me vient en tête. Ok. Bah écoute, merci et surtout, hésite pas, quoi. Genre, c'est. On veut pas te faire peur, mais j'avoue qu'avec ton état de santé actuel, on a préféré s'assurer que. Il y aurait pas de danger supplémentaire, quoi. Ok. Du coup, je vais passer aux autres. Ouais. Moi, j'indique que je laisse Driver partir, mais je vais, comme promis, lui donner un petit coup de main, genre à la cuisine au besoin pour. Alexios, pour te dire que fais-moi des jets d'attention. J'ai fait 6 et j'ai moyen. Ok. Eh bien, tu... Excuse-moi, j'ai le son un peu trop fort. Voilà. Tu passes un peu ton temps à fouiller un peu dans un peu toutes les pièces du musée auxquelles tu as accès pour essayer de trouver des livres, de la lecture, etc. Mais tu ne trouves pas vraiment de livres, quoi que ce soit. Tu trouves peut-être... Les seuls livres que je trouve, c'est les livres pour enfants. Mmh. Et le reste, tu n'en trouves vraiment aucun signe, mis à part peut-être des petits morceaux de journaux d'il y a des... Enfin, des semaines. Des semaines, il y a 2 mois. Ouais. Peut-être que tu poses la question à un moment, quand quelqu'un passe. Et tu apprends assez vite qu'en réalité, les livres, les journaux et tout ça, ça a été les premières choses à passer quand il a fallu se chauffer la nuit. D'accord, ok. Mais je fouille d'autres pièces, quête de savoir. Je vais voir si les momies sont été brûlées ou pas. C'était pas un musée d'antiquité ou quoi que ce soit, c'était un musée d'art moderne. Enfin, pas le... Je confonds peut-être pas le truc où on accroche des bananes au mur et on dit que c'est de l'art. Le truc un peu juste où c'est des formes géométriques, etc. Un peu New Age. L'art cubique. Donc, pas forcément. Demande à Schley, c'est elle l'experte. La vraie vie. On n'en a pas spécialement besoin. Enfin bref. Du coup, je continue à fouiller et pour l'instant, je trouve pas grand chose. Je vais passer à Ed, qui lui, de son côté, donc, va rejoindre le petit coin pour les enfants, qui a donc été aménagé et où se trouvent donc Kali et deux autres enfants. Un plus jeune qu'elle et un plus vieux. Voilà. Et donc tu les trouves immédiatement dès que tu rentres dans la pièce. Déjà, même avant d'entrer dans la pièce, t'entendais des rires et des petits cris. Et en rentrant, tout simplement, tu les vois juste en train de se courir après. D'ailleurs, il y a Kali qui est sur le plus jeune et qui t'a presque peur qu'elle soit un peu trop rude avec lui. Mais bon, il s'amuse juste. Alors, du coup, c'est... Salut les enfants! Bon, Kali, tu fais attention, hein! Parce que va pas non plus faire mal aux petits, hein! Tu vois que Kali, en entendant ta voix, elle se relève immédiatement et elle court vers toi avec ce « Aide, aide !» Et elle se jette dans tes jambes. Parce que, du coup, je lui fais un petit câlin, tu vois. Je descends un petit peu, tu vois, je me plie en deux pour arriver à sa hauteur. Et bah alors, vous amusez bien ? Oui, on s'amuse tout le temps. On a pas beaucoup de cours. Ah oui, effectivement, c'est vrai que... C'est un peu dommage d'ailleurs, peut-être que ce serait une bonne idée de demander à Alexios de s'occuper de vous, puisque quelque part, je crois qu'il faisait l'école, non? Oui, il avait dit, je lui ai demandé, mais il était malade. Ouais, écoute, je lui en toucherai un mot, mais après, ça voudrait dire que vous aurez des devoirs. Attention. Tu vois que tu lances un froid dans la pièce. Alors après, voilà, c'est un moment, il faut un moment pour tout. Il y a le moment pour jouer et il y a le moment pour apprendre. Vous aurez besoin d'apprendre des choses quand vous serez plus grand, pour arriver à connaître plein de choses et à vous débrouiller. On ne sera pas toujours là, vous savez. Tu vois que enfin. Ils ont l'air un peu pensifs, mais qu'ils n'ont pas l'air d'avoir trop envie d'y penser non plus. Oui, non. Après, vous avez raison. Amusez-vous. Vous en avez besoin. Et attention, hein, pas de bêtises. Hein. Hein, je veux pas que vous fassiez des choses un peu stupides et allez pas vous faire mal. Non, on est sage. Ouais. Je regarde Kali avec un regard genre... Ouais. Tu vois qu'elle a un petit air un peu comme si elle cachait à moitié quelque chose, tu vois. Comme si... Elle le cachait, mais qu'elle était un peu fière de le montrer aussi, tu vois. Ouais, parce qu'elle a fait des petites bêtises, mais bon. Voilà, j'ai bien compris. Voilà, mais bon, c'est... Mais, d'accord. Bon. Bon, sinon... je regarde Kali. Tu as 5 minutes pour moi, s'il te plaît? Je la prends avec moi dans un coin. Je dis bon, elle arrive tout de suite. Hein. Du coup, je regarde Kali. Je fais bon alors, tu te rappelles ce que je t'ai dit, ce que je t'ai demandé la dernière fois, ce que tu pouvais faire pour moi. Oui. Et oui. Alors, est-ce que t'as eu des informations? Enfin, est-ce que t'as entendu des choses ou pas du tout? Non. Non, ils t'ont rien dit. Non, ils ont dit d'être sages, les gens, et puis c'est tout. Et tes copains, ils t'ont pas dit qu'il y avait des choses bizarres ou que des grands ils faisaient des trucs bizarres. Non, mais ils m'ont demandé si ils voulaient qu'on joue au guet-apens comme les grands. Ah. Et bah à la limite tu pourras leur demander c'est quoi comme jeu de guet-apens, qu'est-ce qu'ils font les grands. Bon, on y a joué, il y en a un qui doit marcher et les autres ils doivent essayer de l'attraper pour l'enfermer. D'accord. Mais quand ils font le celui qui doit attraper celui qui doit se faire attraper, est-ce que il joue comment? Il est comment? Il fait un vrai monsieur ou? Oh, il doit se cacher et on l'enferme et on doit le garder enfermé le plus longtemps. J'ai gagné. D'accord. Écoute, bah, en tout cas, merci. Merci pour ça. Retourne jouer. Et du coup, elle retourne jouer. Voilà. Bah, du coup, moi, je repars et puis... Et puis, si à l'occasion, je croise Bob... Et qui c'est qui reste? Ils sont avec moi. Ah, ils sont avec vous? Ouais. Enfin, sont... avec moi, oui. C'est une des raisons pour lesquelles je suis resté en cuisine en plus. Ah, d'accord. Bah, écoute, moi après, je me balade et puis au pire, je retournerai en cuisine s'il faut, tu vois. Mais... Voilà, c'est tout. Très bien, très bien. Driver, est-ce que tu as quelque chose à faire? Oui, mais... Oui, voilà, j'ai failli l'oublier. Le reste du temps, du coup, je vais... En fait, techniquement, pas grand-chose. Je vais faire ma vie comme si tout était normal. Donc, finir 2-3 préparations, etc. Donner des coups de main à droite, à gauche, etc. Je vais juste tenter, du coup, d'enquêter sur cette histoire de docteur. Mais je vais vraiment essayer de le faire extrêmement subtilement. Limite, je vais attendre que quelqu'un vienne me parler... Et me parler de médecin, et puis je vais embrayer, je veux dire, mais d'ailleurs, en plus, ça va faire combien de temps que vous n'avez pas eu de médecin, ou est-ce que vous avez déjà eu des médecins, vous, une fois? Et l'idée, voilà, c'est d'être assez subtil, de pas qu'on donne l'impression d'être en train d'inquiéter, mais j'aimerais quand même en apprendre un peu plus. Donc, évidemment, en obtenant une information ou deux de la part de personnes prises au hasard dans la foule, donc pas des gens importants. Ok. Pourquoi pas même des enfants, enfin... Peut-être pas les gamins, non. Enfin, n'importe qui, voilà. Du coup, je vais te demander un jet de pouvoir suivi d'un jet de... Alors, c'est quoi le contraire de pouvoir, déjà? C'est... De volonté. Voilà, parce que je vais pas te faire les dialogues, parce que tu passes par plusieurs personnes, etc. J'ai passé plusieurs fois des dialogues. Pouvoir, je suis bonne, et j'ai fait 38, et en volonté, je suis très mauvaise, et j'ai fait 53. Alors, je vérifie juste, parce que je lui ai donné mes stats de tête, mais... Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, tu lances un peu quelques discussions avec différentes personnes et on t'en arrive assez souvent, très rapidement, au sujet de la médecine parce que t'es connu pour ça maintenant, hein, au sein de cette communauté. Donc, le sujet vient très vite. Et a priori, de ce que tu sembles comprendre, ça a l'air de corroborer avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que il n'y a jamais eu de médecin sur place depuis que tout s'est effondré. Voilà. Ok, ils sont dans le coup aussi. Après, si j'en ai la possibilité, je fais circuler l'information auprès des autres. Ok. Très bien. Ça marche. Du coup, je vais revenir à Cinda, vu qu'elle est toujours dans la cuisine. Peut-être qu'elle avait des choses à faire. Tout à fait. Enfin, tout à fait. Ça reste minimal. Hein. En fait, j'aide vraiment pour le coup. Vous savez, moi, je suis passé à la phase 2, qui est la phase... Bon, partons du principe, sois bienveillant et soyons du coup bienveillants... en retour. Donc j'aide vraiment très sincèrement sans aucune fausseté, juste je profite en fait des moments pour aller interroger Bob et Eric en leur prévenant que voilà, eux je leur dis plus directement et je leur parle à voix basse, c'est genre en mode tiens passe-moi ça et je coupe un oignon à côté d'eux, tu vois, genre tu vois, je leur dis que voilà, on est actuellement suspecté d'avoir volé des affaires et je voulais savoir si c'était le cas ou pas, sachant que voilà, je fais la même chose qu'avec les Melrose, quoi, c'est que enfin avec les Place, parce que Melrose c'est une seule personne. Que voilà, c'est ça, genre c'est tout à fait compréhensible vu nos plans pour la suite, mais que là tout de suite on a besoin de savoir du coup ce qu'il en est pour calmer le jeu et qu'on ça se retourne pas contre nous, quoi. Donc en gros, je profite pour leur glisser ça, genre prendre toute la cuisine, quoi, genre en plusieurs fois. Okay. Eh bien, déjà, chose que tu remarques, c'est que Eric, lui, de son côté, de base, aide, entre guillemets, à la cuisine. Il est vraiment plus là pour être là qu'autre chose. Il discute pas énormément non plus. De toute manière, il a toujours été très discret, même quand vous étiez au Casio Market. Hein. C'est, mm-hmm. Vous avez quasiment, je crois, jamais vraiment parlé avec lui, en dehors peut-être de quelques phrases qu'il aurait pu dire dans les fameux débats de groupe. Oui. Et de son côté, Bob, lui, très gentil, mais aussi très autoritaire d'une certaine manière, au niveau de Nathalie, par exemple, qui est en train de cuisiner. Ça se comprend, ah, parce que cuisiner, c'est un ancien cuisinier, il a passé toute sa vie à cuisiner. Donc, il est gentil, mais des fois, il fait des petites remarques en mode « Non, mais c'est, ça se fait pas, ça, c'est pas humain. » Et... Après, il se recalme, tu vois, mais c'est vraiment des petits jets qu'il a de chef cuisinier ou quoi que ce soit. Quand tu parles des vols et de ce genre de choses, je vais te demander un jet de volonté. Oh, je crois que je suis... Alors, moi, je te dis, si jamais, d'ici la fin de la campagne, je pourrais faire un jour un test de connaissance ou de force, parce que c'est là où je suis bonne, ça m'arrangerait. Volonté, j'ai fait 35 et je suis moyen. Alors, chose que tu remarques, c'est que Bob a l'air très attentif à ce que tu dis quand tu lui parles, mais rien ne se dessine particulièrement dans son visage, et ce qu'il te dit, c'est simplement « J'espère que cette affaire va se régler rapidement, parce que j'aimerais rester là le plus longtemps possible, au moins jusqu'à qu'on ait retrouvé Cillian, et les autres, bien entendu. » Moi, je veille totalement. Ce qu'il dit, je suis... Mais oui, totalement, je suis d'accord. Il serait dommage que certains volent de la nourriture alors qu'on pourrait en profiter à des niveaux supérieurs de ce que personne n'a jamais goûté dans cette communauté. Nathalie qui fait genre de ne pas avoir entendu, mais... mais qui continue la cuisine. De son côté, Eric, lui... En fait, il reste la tête baissée comme il fait la plupart du temps. Quand tu lui parles vraiment directement, il lève un peu les yeux quand même vers toi, histoire d'être poli. Tu remarques quand même une sacrée inquiétude dans son regard. Assez profonde comme inquiétude tout de même. Donc, il faut dire qu'il a toujours été du genre à être inquiet aussi au début. C'est à toi de juger de comment ça se passe. Mais il est pas tranquille et il le verbalise, il le dit j'espère qu'on va pas se faire jeter dehors. On a déjà perdu le Casio Market, j'ai pas envie de perdre ça. Je sais pas ce qu'on pourrait devenir. Je suis pas doué du tout. Dehors, je durerai même pas un jour. C'est pour ça qu'on s'assure que de qui a fait ça, si c'est quelqu'un du groupe, et pour pouvoir justement prendre des décisions qui évitent que l'un d'entre nous se retrouve jugé ou que tout le groupe soit viré. Et on devrait... Tu vois que lui, il te le dit à voix basse, du coup, il dit, on devrait pas peut-être fuir ensemble. On peut avoir des problèmes. Alors, j'ai une vraie question, MJ. Lui, il était pas au courant de ce qu'on avait parlé avec les Place, visiblement, parce qu'eux sont au courant. Il n'était pas dans la pièce avec les Place, Bob et Eric. Ah, donc. Ah, ouais, d'accord. J'aurais pensé qu'on les aurait mis au courant, mais c'est pas grave, ok. Ah, vous ne l'avez pas considéré que... Non, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on va pas faire de flash forward maintenant. C'est juste que, en fait, dans mon esprit, ils étaient déjà au courant, du coup, ok. Oui, oui, évidemment, ça nous a traversé l'esprit, mais d'un côté, tu l'as dit toi-même, on n'a pas tous la capacité de survivre là-dehors, et s'il y a des gens qui peuvent nous accueillir. Ce serait peut-être bien de savoir en profiter et de faire en sorte que les choses passent bien, quoi. Enfin, faire en sorte que les choses passent bien. D'accord. Ça m'inquiète beaucoup ce qui se passe. Tout compte fait, je crois que je préférerais qu'on s'enfuit que de se retrouver fusillé. Aussi, mais pour l'instant, personne est d'entre nous est coupable. Même pas les Plays, on les a bien confrontés là-dessus. Normalement, ils sont innocents. Évidemment, si les choses tournent mal, il va falloir qu'on réagisse assez vite, hein, tu t'en doutes bien, mais... On devrait fouiller leur sac. On leur a demandé. Non, je parle pas des Plays. Quand je dis l'un d'entre eux, je dis les autres. On devrait pouvoir demander. Ça va arriver. Nous, on va pas être ceux qui demandent pour des raisons évidentes. On essaie de faire en sorte que les gens qui nous apprécient pas trop... accepte notre présence, donc être intrusif comme ça marchera pas, mais disons que les têtes pensantes du groupe sont au courant et sont déjà en train de faire ce qu'il faut. C'est pour ça que nous on vient vous voir pour s'assurer que c'est pas quelqu'un du groupe et que si jamais c'est quelqu'un du groupe qu'on puisse réagir pour que ça se passe bien. D'accord. Ok. Tu vois, je mets une tape sur l'épaule, voilà, et t'inquiète pas. Je vois que c'est presque ce qui s'envole avec la taf. Enfin non, il s'envole pas, mais genre c'est-à-dire que tu sens le petit mouvement, il s'y attendait pas. Il fait... ouais, ouais. Du coup, je ne vais pas vous faire durer tout ça plus longtemps. Et assez rapidement, tout simplement, Nathalie et Bob déclarent que la nourriture est prête. Et qu'il est temps donc de manger tous ensemble. Donc, si personne n'a d'objection, tout le monde est réuni de nouveau dans la pièce centrale du musée. Toute votre communauté et celle d'origine. Enfin, et celle du musée. Et chacun s'installe, vous êtes assis, vous, un peu entre vous, mais peut-être que vous avez fait quelques efforts pour vous entrecroiser un peu avec d'autres. Le repas. Perso, j'invite Driver à s'installer peut-être un peu plus loin de notre groupe, mais assez proche de Lucie pour créer une petite proximité avec elle, montrer qu'on est là, pas que pour lui poser des questions. Et voilà quoi, genre vraiment. Je le fais, je me mets pas très très loin, j'essaie de participer un petit peu à 2-3 discussions. J'imagine que je dois être quand même plutôt bien aimé parmi le groupe actuel, j'imagine que le. L'étudiante en médecine savant plus que la boxeuse qui met des patates aux gens. Donc, je sais pas si les gens veulent le faire à moi. Ils savent pas que je suis boxeuse. Officiellement, je suis ton assistante. C'est parce que je leur ai tout dit. Non, en vrai, même les gens qui ont voté contre le fait que vous restiez, toi au moins, ta personne est quand même moins mal regardée que les autres membres du groupe. C'est logique. Oui, c'est sûr. Voilà. La nourriture s'échange et vous goûtez. Et je vais faire un petit jet pour Bob. Et il faut avouer que la nourriture est quand même mieux que les autres fois où vous aviez mangé et le repas était seulement fait par Nathalie. Alors, il y a quelques remarques qui fusent et Nathalie mange silencieusement. Mais... C'est très bonne. Et je sais pas, est-ce que vous essayez d'engager des discussions particulières avec certaines personnes? Voilà, je précise d'ailleurs que tout le monde est présent, il n'y a pas eu d'excursions qui ont été lancées par exemple par AJ ou quoi que ce soit, donc il est présent, tout le monde est là. Moi je mange à côté de Ed parce que j'ai l'habitude de manger à côté de lui. Bah, moi, je laisse En fait, filer, discussion, je fais comme driver, quoi. J'essaie de participer à gauche, à droite. Et surtout, me présenter comme étant plutôt avenant. C'est-à-dire que voilà, il y a une semaine un peu de voilà, on se jauge, est-ce qu'on peut se faire confiance ? Et vraiment montrer par ma présence que voilà, je cherche à changer ça et à accorder ma confiance et à, du coup, indirectement demander à l'heure, du coup, avoir une relation mutuelle de confiance, quoi. Et donc à proposer des coups de main, des trucs comme ça, des, tu vois, genre vraiment être plutôt avenant. Moi, je me lève et je fais genre un petit ding ding ding ding, tu sais, avec le verre là, pour attirer l'attention sur moi. Tu vois qu'il y a du monde qui se tait. Il y en a quelques-uns qui murmurent, mais tout le monde se tait. Excusez-moi. Voilà, pour ceux qui me connaîtraient pas encore, je m'appelle Ed Smith. Vous devez tous savoir que je fais partie du groupe qui est arrivé ici il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez eu pour nous tous, pour ma petite Kali ici présente, qui est heureuse depuis qu'elle est ici. Je le vois tous les jours avec ses petits camarades qui elle a revu depuis qu'elle est là. Et moi-même, j'avoue que ça fait plaisir de se retrouver parmi vous dans un foyer où on se sent en sécurité. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas encore très à l'aise avec notre groupe. Il est vrai que on ne se connaît quasiment pas, mais sachez que voilà, nous faisons tout pour que tout se passe bien et que vous puissiez compter sur nous. Comme vous pouvez le voir avec ma camarade, le docteur Driver, qui, depuis qu'elle est arrivée, s'occupe de tous les petits bobos et de Lucie aussi. En tout cas, sachez que nous ferons le maximum pour que tout ce que nous ferons ici soit pour la communauté et que... eh bien, nous améliorerions aussi votre vie de par nos actions. En tout cas, merci encore. Et voilà. Donc, je me rassois. Il y a un petit silence. Moi, j'applaudis. J'allais dire, applaudir pour que les gens autour de moi, ils applaudissent aussi. Tout le monde se met à applaudir. C'est un bon discours, a priori. Beaucoup de gens l'ont apprécié, même ceux dont vous avez remarqué quand même quelques regards un peu hostiles, quand même se joignent un peu aux festivités, que ce soit par véritable intérêt pour le discours ou par effet de masse, bonne question, mais ils participent. Ils participent, tout le monde est content, et après que les applaudissements soient arrêtés pour que tout le monde retourne à leurs assiettes, Raznov du coup se lève lui aussi à son tour. Et il dit merci beaucoup pour commencer, Ed. Sache que nous sommes tous très heureux de vous avoir, vous tous, parmi nous. Et nous espérons que vous resterez. Et ce n'est maintenant un secret pour personne. Les équipes d'enquête se sont multipliées et les questions ont été posées. Maintenant, nous avons eu quelques problèmes, nous avons toujours quelques problèmes. Ça ne sert à rien de le cacher. Mais ces problèmes seront réglés. Nous avons eu pire par le passé, et vous avez sûrement eu pire par le passé. Nous pouvons faire en sorte que les choses se passent mieux. Et j'espère que vous serez tous ici présents d'accord. Ce à quoi répond la voix de Melrose Place au milieu du silence, qui dit « Oh l'espèce d'enfoiré !» Toutes les têtes se tournent, dans la direction de Melrose Place, qui était assis au milieu des gens, hein, il n'était même pas avec son frère ou quoi que ce soit, et vous le voyez avec dans sa main trois petites pilules, et il est en train de fixer du regard AJ, donc le professeur de chimie, chef des excursions, qui tient son sac dans ses bras comme s'il venait de l'arracher à Melrose. Tout le monde reste bouche bée un peu devant ce qu'il voit. C'est AJ, du coup, après un petit moment de choc, se lève et dit « Ce petit enfoiré vient d'essayer de cacher ses trucs dans mon sac !» Ce à quoi Melrose rétorque immédiatement « Ce plus gros enfoiré avait tout ça dans son sac et il a bien plus !» Je me lève. Je préfère croire mon ami de mon groupe pour une bonne et simple raison. Ils ont jamais quitté leur pièce. Ils sont tous ils étaient tout le temps en train de jouer aux cartes. On les a fouillés dans la journée. Peut-être il faudrait que quelqu'un de neutre nous regarde dans les affaires du prof de chimie. Ça se trouve, ce n'est qu'un gigantesque quiproquo. N'est-ce pas, Raznov? On est bien d'accord que c'est AJ qui dit que c'est Melrose qui a voulu cacher quelque chose dans le sac de AJ. C'est ça. Voilà, donc c'est pas dans nos sacs, enfin, c'est pas dans les sacs de notre groupe, c'est dans le sac à AJ. Oui. Non, c'était sûr, je voulais juste être sûr. Ok. Voilà. Raznov, du coup, qui saisit ton opportunité que tu donnes, hein, Driver, qui se lève et qui fait « Allons, allons, enfin, qui est déjà debout, mais qui s'approche et qui dit « Allons, allons, calmons-nous, remettons les choses à plat, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et Melrose et AJ essayent de parler un peu en même temps, ils s'embrouillent, ils parlent de plus en plus fort les uns les autres pour essayer de se faire entendre, ce à quoi Raznov nous rejoue ce qu'il avait joué à Alexios, c'est-à-dire « Taisez-vous !» Ce à quoi Melrose et AJ obéissent. Et Raznov continue avec AJ. Désolé, vide ton sac. AJ regarde Raznov droit dans les yeux. Et après un petit moment, ouvre son sac, le renverse, et vous voyez tomber trois conserves. Oh. Oh là là. Moi je dis rien du tout. Hein. Ouais, non, en vrai, je dis rien non plus parce que là, pour le coup, il a pas planqué trois conserves dans son sac pendant le repas, quoi. Genre, c'est le pire moment et le pire truc à faire. Donc, j'imagine quand même que la foule entendra raison là-dessus. J'espère. Vous voyez que dans la foule, du coup, il y a quand même des gens là qui commencent à murmurer, voire même à parler entre eux de manière complètement ouverte. Et Raznov dit « AJ, est-ce que tu peux m'expliquer tout ça ?» AJ regarde un peu aux alentours, pose les yeux sur vous directement, les uns après les autres, puis les repose sur Raznov et dit « C'est une supercherie. C'est une supercherie. Ça peut rien être d'autre. Je suis là depuis le début, Raznov. Est-ce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça ? Tu m'as dit aujourd'hui même qu'ils étaient venus te voir, qu'ils pensaient qu'on pouvait mettre quelque chose dans leur sac. Et maintenant, on essaye de mettre quelque chose dans mon sac ? Je pense pas que c'est une espèce de manipulation mal pensée. Raznov, du coup, il reprend sa mine sombre, il regarde le sol avec un air penseur, sa spécialité a priori, et se tourne vers vous avec un air un peu, pas accusateur, mais c'est-à-dire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quoi, dans son regard ? Quel intérêt on aurait à faire ça? Enfin, en tout cas, quel intérêt Melrose aurait à faire ça? Là-dessus, j'ai du mal à comprendre. Au contraire, tout ce qu'on veut, nous, c'est s'inclure parmi vous et pas que vous votiez contre nous pour nous rejeter. On n'a aucun intérêt à foutre... Enfin, en tout cas, je vois pas quel intérêt Melrose aurait-il à mettre le bordel. Pour être honnête, je ne dis pas ça parce qu'il faisait partie de mon ancien groupe. Pour même tout vous dire, à l'époque, nous nous entendions relativement mal. Nous étions dans des camps assez opposés. Et nous avons eu plusieurs conflits à plusieurs moments. Malgré tout, je dois reconnaître que, d'un point de vue purement neutre, et chacun ici se fera son avis, il paraît très improbable que Melrose ait très prévu de planquer différentes conserves et médicaments dans le sac de AJ pendant le repas. C'est à la fois périlleux, risqué, et ça n'a aucun intérêt, quel qu'il soit. Si même nous voulions vous faire du mal, il l'aurait sans doute fait au moment où tout le monde était occupé à droite à gauche. Et je rajouterais même, pour donner de l'importance encore plus à cette parole, c'est que on a demandé au groupe, en apprenant qu'il y avait du coup quelques problèmes, s'ils étaient coupables ou non, et... nous avons émis l'hypothèse que si jamais c'était l'un d'entre nous, qu'on s'engageait à rendre les vives. Donc pourquoi, oui, faire cette mise en scène qui apporte du mal à tous, y compris à nous, au mieux de simplement rendre les vives, et on s'était mis d'accord pour que ça n'a pas plus de conséquences que ça. Vous voyez que Raznov est de nouveau penseur. Et AJ rajoute « Demande-leur qui c'est les voleurs, ceux qui suspectaient. » Krasnov se tourne vers vous, à nouveau. C'est bientôt, oui, mais comme dit, nous les avons confrontés, nous avons fouillé leurs affaires. Et lorsque nous avons fouillé leurs affaires, il n'y avait absolument rien de tout ça. Mais effectivement, c'est bientôt. Et c'est justement un argument plus en notre faveur, puisque nous sommes sûrs à 100% qu'ils n'avaient rien sur eux, en tout cas aujourd'hui même. Peut-être, Raznov, pouvez-vous nous dire si les affaires retrouvées dans le sac de AJ correspondent à celles qui ont été volées la veille, ou si cela pourrait être un vol qui aurait eu lieu aujourd'hui? Nous pourrions peut-être déjà en savoir un peu plus. Que Raznov est dans ses pensées, il t'a peut-être à moitié écouté, mais il t'a écouté et il dit simplement: comprends pas, si c'était vous, pourquoi? Ce à quoi AJ coupe court, tout simplement, a priori n'étant pas spécialement intéressé par les arguments de Driver. Et dit: parce qu'ils veulent nous diviser. Ils sont arrivés à 9 et ils savent qu'une minorité d'entre nous sont contre eux. Je suis désolé, je vais te couper, vieux professeur de physique chimie qui a peut-être pas un pois chiche dans le cerveau, mais vous allez avoir peut-être une nouvelle bouche à nourrir aussi. On est là pour vous aider et on a le confort qui nous plaît ici. Donc, quel intérêt on aurait à voler vos affaires et à vous diviser? Moi, je pense que ce serait plutôt vous, et monsieur le professeur de physique. Quel intérêt vous avez-vous à envoyer ce rat voler dans le sac des gens en plein repas? Alors, rat, peut-être pas, mais peut-être qu'il est un peu con, mais c'est pas un rat. Et je suis désolé. Je suis désolé, mais non, je cautionne pas ce que vous dites. Du coup, je réagis à ce que vient de dire AJ. Je dis, alors AJ, vous venez de me dire que notre gars a voulu voler dans votre sac. Donc, pas poser quelque chose dedans, prendre quelque chose dedans. Ce qui veut dire voler, ça voudrait dire que ce qui était dedans, elle était déjà avant et qu'il a voulu les prendre. Donc que vous les aviez déjà pris à l'intérieur. Ah, moi, je ne sais pas, vous avez dit qu'il a essayé de voler quelque chose dans votre sac. Auquel cas, il a réussi à prendre 3 pilules qui s'y trouvaient déjà. Dans votre sac. Oui. C'est ça. Vous pouvez être toxicomane, hein, ça arrive d'être toxicomane. Hein. Vous savez, vous en parlez au médecin et le médecin vous dira ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Je profite du chaos un peu ambiant, parce qu'on s'était placé par Lucie, je veux demander discrètement, genre à Lucie, si elle est d'accord pour prendre la parole par rapport à ce qu'elle nous a dit cet après-midi. Mais je lui demande. Avant, au mieux de prendre la parole, tu vois, et de dire Lucie nous a dit ça et la mettre à mal, je lui demande si elle est d'accord pendant qu'à côté ça se dispute à voix haute. Fais-moi un petit jet quand même de pouvoir, parce que c'est pas n'importe quoi. Bien sûr. C'est le moment de faire un beau jet. Écoute, à un moment, il faut être honnête. J'ai fait 4 et je suis très mauvaise en pouvoir, mais je pense que ça ne compte pas de toute façon quand tu fais 4. Tu vois qu'elle est trop avec un regard plein de peur. Mais elle hoche quand même la tête, elle dit « D'accord, d'accord. » Donc, elle se lève, après avoir été un peu poussée par Cinda. Et elle dit j'ai entendu Edith parler de produits chimiques, de médicaments peut-être. C'était il y a quelques jours, ou aujourd'hui, ou hier. Et Jay, lui, il embraye directement, il dit, mais... Et en quoi ça m'accuse? Je fais des bombes pour vous. C'est normal que je touche à ce genre de produit. Et elle est complètement barjo. Raznov, lui, tu vois, tout le monde commence à parler dans tous les sens. La température commence à monter très clairement. Et Raznov commence à baisser la tête et vous commencez à comprendre que Raznov a l'air d'être un peu dépassé par la situation.